Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis toujours avec Maxime. Bonjour. Et je suis évidemment avec Xerve. Salut. Alors messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode, une fois toutes les deux semaines. Un épisode toutes les deux semaines, voilà. On est dans le rythme. Et pourquoi ? Eh bien, c'est grâce à vous. À vous qui nous soutenez sur Patreon. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Patreon, elle est dans la description. Investir, eh bien, dans Fin du Game, c'est investir dans l'avenir, tout simplement. Dans une entreprise locale, artisanale. Exactement. Éthique. Et exactement, tout ça à grâce la à notre sponsor. Non mais voilà, merci beaucoup de nous soutenir sur Patreon, vous pouvez voilà, investir une petite piécette tous les mois, ça nous et permet. Et d'ailleurs, on peut parler un petit peu du retour de la Blacklist. Oh là là, oui, c'est vrai, j'allais oublier, c'est vrai que l'année dernière, on vous avait permis de choisir un certain nombre d'épisodes de Fin du Game. Eh bien, nous allons continuer, on pense que la Blacklist, on a commencé à concevoir tout ça hier, et puis bah, on reviendra, je pense que c'est en fin d'année que ça reviendra, voilà la Blacklist. Une nouvelle Blacklist, une version complètement repensée. On a eu des idées incroyables. Voilà, elle arrive donc préparée. Blacklist voilà. Plus, premium. Ça arrive, voilà. Et donc rejoignez-nous évidemment sur notre serveur Discord, puisque c'est là-bas que ça se passera quand il faudra voter. Effectivement. L'autre remerciement, c'est évidemment Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, effectivement. Je sais pas faire la vraie. Ouais, on a complètement loupé notre Dark Vador. Ouais. Désolé. Il y a évidemment un livre sur Star Wars chez Third. C'est un livre alors sur la dernière trilogie, donc celle qui a été. La trilogie Disney. Exactement. Donc les 7, 8, 9. La trilogie Rey, la trilogie Adam Driver, gros pectoraux, sabre laser en forme d'épée. Bref, vous connaissez. Et je pense d'ailleurs que justement, c'est un peu par ce prisme-là qu'ils l'ont attaqué par le fait que ce soit voilà, Disney, qu'est-ce que ça a été, les contraintes de création, etc. Bref, vous devez commencer à connaître le format des livres Third, et j'imagine qu'on retrouve leur format habituel dans ce livre sur cette trilogie. Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite ? Je ne sais pas. C'est pas un vrai teasing, je n'en sais rien. Je ne vais pas faire semblant. Tu sens les gouttes de sueur là, qui sont en train de perler sur le front de Mehdi, du genre, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Nicolas, fais-moi un livre sur le premier. Est-ce qu'il y en aura un sur Clone Wars, sur The Mandalorian ? Bah je sais pas, vraiment. On peut engager plein de choses comme ça. On est en train de perdre Benoît. A few moments later. Voilà, donc ça c'est dit pour Third, et voilà, donc les livres, et puis évidemment tous les autres livres Third que vous pouvez retrouver sur leur site, sur leur Twitter. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Star Wars, voilà, la force est avec nous. On va parler donc de Star Wars Jedi Fallen Order, jeu qui a surpris évidemment, les membres du Discord, oui. Oh là là, je ne m'y attendais pas, mais pourquoi Fin du Game s'intéresse-t-elle ? C'est féminin ou masculin, Fin du Game ? On ne sait pas. C'est une émission. Ouais, c'est une émission. Enfin, on ne sait pas. Le Game Boy, Game Boy. J'aime vous envoyer sur des vrais débats comme ça, de fond, dès l'intro. Pendant 3 heures, tu sais, sur le général. Mais non, c'est sans article, c'est juste Fin du Game. C'est juste, exactement. C'est pas la fin du game, ouais, c'est Fin du Game. Fin du Game. Donc, on va se plonger eh bien, dans ce jeu juste après une musique que nous avons sélectionnée de concert. On va pas se mentir, la BO du jeu nous a pas particulièrement transcendé. Bah, c'est surtout que comme on s'attaque à Star Wars, tu te dis bah il y a des thèmes quand même, ouais, que tu t'attends à entendre fort. Et bah, même si ça fonctionne, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu un truc qui nous a accroché l'oreille, donc on s'est décidé, voilà, on a dit celle-là elle est pas mal. Ouais. Mais quand même quand j'ai réentendu celle-là, je me suis dit, oui, je me rappelle quand même du moment, en fait en jeu ça marche, c'est vrai qu'à posteriori, ouais, mais on s'est dit est-ce que vous vous souvenez d'une musique ? Non. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose de juger un jeu à sa mélodie, à sa venue, ou est-ce que c'est le moment présent ? Je ne sais pas. Vous décidez, voilà, dites-le voilà, dans les commentaires et on se retrouve juste après. We'll be right back. Alors, Star Wars Jedi Fallen Order, alors c'est Star Wars Jedi 2. Fallen Order, donc la licence c'est Star Wars Jedi, attention, il faut donner les vraies informations, c'est sorti le 15 novembre 2019 sur PC, PS4, Xbox One, et puis bah, je pense que c'est trouvable sur c'est jouable aussi sur PS5, Xbox Series. Oui, d'ailleurs, il y a eu des mises à jour qui permettent de rendre le jeu plus joli, plus fluide, etc. D'avoir des petites vibrations dans la... Non, malheureusement, comment elle s'appelle, la manette DualSense. La DualSense, oui. Tout à fait. C'est publié par EA, évidemment, c'est développé par Respawn, mais avant de s'intéresser à tout ce petit monde-là, on a décidé qu'on allait faire une petite rétrospective sur les jeux Star Wars, parce que Star Wars, c'est une licence qui a marqué tout le temps le jeu vidéo, qui a quasiment toujours été présente, mais avant, j'avais envie de poser une vraie question à ce conseil des sages que vous constituez, messieurs. C'est quoi Star Wars? Pourquoi c'est gros? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le mec avec les oreilles pointues, qui avec les doigts comme ça, et qui dit « Excelsior ». Ça commence très très mal. Non, Star Wars, juste en fait, brièvement pour revenir, pourquoi, qu'est-ce que c'est Star Wars? Tout simplement, on peut dire que c'est l'œuvre, on va dire que c'est le pilier de la culture geek qui est aujourd'hui la culture populaire. C'est né dans les fins des années 70 et depuis, c'est toujours resté, ça a toujours un monument. Pour moi, c'est vraiment un gros marqueur en fait. C'est vraiment le début de la culture geek qui est plus une espèce de sous-culture parce que Star Wars, c'était vraiment un succès mondial qui touchait tout le monde, les grands et les petits, etc. Enfin, vraiment toutes les personnes. Et ça s'est diffusé par les jeux vidéo, par les comics, les bouquins, les figurines, les jouets, Star Wars, c'est un monument évidemment de la culture populaire moderne. Et qui s'est pas tari vraiment au fil des années, puisque justement il y a eu encore des films, des spin-offs. Enfin, c'est un univers qui a constamment été abreuvé d'œuvres et en plus d'œuvres importantes, populaires, qui ont marqué à chaque fois qu'elles sont sorties. Ouais, ça s'inscrit dans un cinéma de divertissement énorme, puisque c'est un peu la paire George Lucas, Spielberg, donc t'as aussi eu Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, tu vois, des choses comme ça, des licences énormes, où c'est les films popcorn, comme tu disais, c'est toute la famille, c'est les enfants et leurs parents, ils vont regarder le film, ils vont s'amuser, comprendre la même chose au même moment. Et dans le cas de Star Wars, ça a donné aussi vraiment naissance, tu vois, un peu d'essor à ce mouvement geek, comme on dit aujourd'hui. Alors ça veut tout et rien dire, hein, quand on dit geek, c'est les Funko Pop et tous ces trucs-là. Mais le fait est que ça a vraiment été un marqueur culturel, en fait, tout le monde connaît aujourd'hui. Vous entendez les trois notes de la marche impériale, vous savez que c'est Darth Vader, vous voyez un petit machin vert, vous savez que c'est Yoda, et ainsi de suite. Et dans le jeu vidéo, très tôt, en fait, ça a commencé, puisque dès les années 80, il commence à y avoir des jeux. Ouais, en fait, le premier jeu qui est sorti, on a noté la date, c'était donc en 82, c'est la première adaptation d'un jeu Star Wars qui était sur Atari. C'était un jeu de vaisseau, vraiment, il y avait quatre barres qui formaient, j'imagine, ce qu'est les fenêtres des TIE Fighters, des X-Wing, des machins, et puis c'était piou piou piou piou, et on tirait, ça reprenait des scènes des premiers films, puisqu'il y avait la scène sur Hoth, donc là c'est dans la neige, il me semble, et puis l'étoile noire, évidemment. De toute façon, l'épisode 6 n'était pas sorti, il sort en 83, donc même avant la sortie. Donc l'épisode 6 qui est le retour du Jedi, qui est le troisième dans la première trilogie. Commence à mon avis, déjà être compliqué. En fait, tu fais style, mais en fait, je pense que les gens, ils savent tout ça. En fait, c'est ça qui était drôle, c'est que quand on a commencé cet épisode, on s'est dit, mais comment on fait pour présenter Star Wars? C'est genre... C'est tellement un truc, voici le ciel. Oui, c'est ça, on en est à ce niveau-là. Ça, on appelle ça de l'eau. C'est une vérité générale. Tout le monde connaît. Après, tu vois, moi, j'aurais pas pu te dire direct 83, j'ai revu. Ça resitue. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 82, donc, il y a eu le premier jeu Star Wars, mais il y a aussi eu, du coup, la création de Lucasfilm Games, des noms très originaux, qui est donc la branche jeu vidéo de Lucasfilm, vous l'aurez compris, de George Lucas. Et c'est quand même intéressant de se dire, autant il y avait déjà des réalisateurs qui étaient un peu connu, tu vois, Spielberg, il y a Del Toro aussi, mais qui sont intéressés par le jeu vidéo. Et là, George Lucas, il s'est vraiment dit, je vais fonder vraiment une partie en studio, même avant donc la sortie de l'épisode 3. Il s'est dit, je veux faire des jeux vidéo, je suis un vrai gamer. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment investi ce nouveau médium. Et donc, ça a été le terrain d'expérimentation, déjà de faire des jeux Star Wars. Il y en a eu beaucoup, mais c'est vraiment il y en a eu beaucoup dans les années 80, des adaptations, des trucs comme ça, mais c'est vraiment finalement dans les années 90, en 91, avec la formation vraiment de LucasArts, c'est à ce moment-là que le studio va vraiment prendre son ampleur. LucasArts, évidemment, qui va être aussi le fournisseur des point and click qu'on connaît aujourd'hui, Monkey Island. Je l'ai galéré. Non, mais tous ces trucs. truc Indiana Jones, Grim Fandango, putain, ouais, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Full Throttle. Ah non, c'est encore un des derniers. Ils sont donc leur plus grand finalement succès, en tout cas dans la sphère jeux vidéo. En termes de vente, j'avoue que je sais pas trop s'il y a peut-être des jeux Star Wars moins réputés, moins bien reçus, qui ont peut-être été plus vendus parce que plus populaires, plus connus. Mais en tout cas, on connaît LucasArts surtout pour ses points. Oui, aujourd'hui, c'est surtout ça qu'on retient. Mais il y avait beaucoup de jeux Star Wars. Sur Super NES, il y avait un jeu qui s'appelait Super Star Wars. Voilà, c'était de la plateforme action typique de ce qu'on pouvait avoir sur de la Super NES. C'était d'ailleurs assez propre. Ouais, j'ai c'était cool. Je l'avais fait à l'époque. C'était plutôt sympa. Hein. Moi, un de mes premiers jeux vidéo, c'était Star Wars X-Wing sur PC. Alors, je sais plus quelle époque c'est, mais peut-être. Et bah, c'est 90, c'est 93. On l'a noté aussi, X-Wing, qui est voilà encore une fois donc du combat en vue à la première personne dans des vaisseaux comme ça où on combattait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment des jeux qui ont marqué déjà dans les années 90. Un peu plus tard, en 95, il y a eu aussi une sorte de Doom-like qui est arrivé, qui s'appelle donc c'est Dark Forces, Jedi Knight, Dark Forces, qui était un FPS voilà dans l'univers Star Wars. Benoît, tu l'as fait, tu nous donnes ton test. Eh ben, c'était pas mal du tout. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est bien quand même. Non, c'était très sympa. En plus, comme on jouait pas un Jedi, tu vois, ça permettait d'avoir un point de vue un peu différent, puisque l'idée c'était de faire un Doom, donc il fallait des armes à feu. Mm-hmm. On pouvait pas se balader avec un sabre laser. Non, c'était de toute façon, c'est l'époque où tout était adapté en Doom-like. Hein. C'est comme aujourd'hui avec les Battle Royale ou les trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que à ce moment-là de la vie, tu vois, Star Wars Doom-like. Tu vois, tu dis forcément, ça colle. De mémoire, alors c'est peut-être le 2, mais je crois que t'as un sabre laser, mais c'est pas les combats principaux. C'est arrivé plus tard, hein, les jeux avec les sabres laser, on va dire, un petit peu poussés, avec les Jedi Knight, Jedi Academy, il y en a eu beaucoup après, dans la fin des années 90, là, à ce moment-là, il y en a eu pas mal, mais Dark Forces, non, c'était vraiment le tout début, et sachant qu'en fait, les jeux Star Wars, on peut le dire, il y a vraiment deux grandes catégories, tu l'as dit, il y a tous les jeux de dogfight, donc dans l'espace, avec un vaisseau, les X-Wing, les TIE Fighter, les X-Wing versus TIE Fighter, enfin, tu vois, ils s'amusent à en faire des mélanges comme ça, il y a eu tout un tas de jeux d'action qui souvent reprennent soit les films, soit des moments, on va dire, un petit peu intercalés, et en fait, à partir des années 90, ça a commencé à exploser puisqu'ils ont fait tout. Vraiment, ils ont fait tout ce qui est possible et imaginable en jeu Star Wars. Il y a eu du jeu de combat, donc du style Virtua Fighter et compagnie. Il y a eu du RTS, donc des jeux de stratégie. Il y a eu même un jeu d'apprentissage. Je suis tombé sur une sorte d'Adibou, c'est Yoda. Moi, je l'avais celui-là en plus, c'est rigolo. C'était une espèce de jeu. Il y a eu un jeu de peinture aussi, je me souviens, où tu devais faire des coloriages. Enfin, il y a certainement eu un jeu de flipper Star Wars. Ça, de base. C'est comme Pokémon. Je pense qu'il y a eu des déclinaisons. Je pense que Star Wars est un autre niveau, à mon avis. Parce qu'un jeu. Ouais, si, il y a eu Pokémon. Il y a eu un Pokémon. Pokémon. Il y avait Dark Vador qui était dans Soul Calibur, je sais plus lequel. Il y avait son apprenti, le mec de Force Unleashed, qui était dans un autre Soul Calibur aussi. Enfin, c'était cool. Si, il y avait un épisode de Soul Calibur, justement, il y avait Yoda chez Xbox, je crois. Et il y avait Link. Et Link chez GameCube. Pas Star Wars, Link. Et il y avait Dark Vador, je crois, sur PlayStation ou un truc comme ça. Il y avait eu un personnage. C'est pas le 360 et sur Play 3. On n'a pas fait les recherches là-dessus, je suis désolé. On n'est pas des experts non plus. Mais il y a eu des jeux de course aussi. Effectivement, en 99, il y a la nouvelle trilogie qui arrive. Donc, c'est la prélogie aujourd'hui qu'on l'appelle. C'est notre génération avec Maxime, tout simplement, puisqu'on avait une petite dizaine d'années quand même ça sort. Pas, on avait genre 8-9 ans. Et oui, à peine, on était pile poil la cible. Ça suffit. on était pile poil la cible de Star Wars. Et justement, avec ce premier épisode, il y avait notamment un jeu de course qui était arrivé. Donc, c'était Podracer. Voilà. C'était l'époque aussi où on faisait des jeux, tu sais, à partir d'une scène. D'un film, ok, ça faisait tout un jeu, tu vois. Ça cartonnait en plus, vraiment. Ça fait partie de mes petites Madeleine de Proust, tu vois. J'aime bien ce jeu-là. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, moi, dans les années 2000, je me souviens, je sais plus si c'était un cadeau ou j'avais demandé ou quoi, mais j'avais un coffret, donc que des jeux Star Wars, devait y en avoir 7. Et oui, t'avais Jedi Knight, un RTS, Podracer, un autre jeu de course, enfin, t'avais vraiment tous ces genres différents. C'était en le Happy Meal Star Wars, c'était le menu Big Mac. Il faut savoir, donc, au début des années 2000, justement, il y a une vraie transition qui se fait aussi avec cette nouvelle trilogie, c'est que LucasArts va continuer de développer des jeux Star Wars, mais c'est surtout qu'ils vont en publier, ils vont vraiment se mettre à bosser avec d'autres studios, et c'est finalement, avec le temps, les jeux de ces studios qu'on va retenir. Alors, celui que beaucoup de fans retiennent, c'est Knights of the Old Republic, KOTOR pour les intimes, donc qui était développé par BioWare, studio qu'on connaît notamment Baldur's Gate, tous ces trucs-là. Je te regarde, regarde Jean, mais aide-moi, je le vois, c'est le pas, vois dans c'est ses pas, yeux, c'est pas mes jeux, moi, ces trucs-là. Ben oui, je sais. Non, mais bon, si, je connais quand même BioWare après. Bah, surtout qu'en plus, KOTOR, ils ont annoncé qu'il y aura un remake qui ouais, est tout en à cours fait. De développement, donc ça fait quand même pas mal d'années que c'était dans les tuyaux et que ça faisait partie des grosses rumeurs, donc c'est plutôt cool de se dire c'est que ça va revenir. C'est leur premier projet d'ailleurs, BioWare, ouais. Parce que avant, oui, ils étaient sous c'était Rock, machin, je sais plus quoi, Black Isle, voilà, c'est ça, où ils avaient fait tous les autres jeux, et après, ils ont fondé ce studio-là, BioWare, et c'était un de leurs premiers projets, donc qui était financé par LucasArts. Il y a eu aussi les Battlefront, tout à fait, pour le coup, déjà avec EA, il me semble. Ouais, hein, c'était déjà avec EA à l'époque, c'était l'époque où il y avait Battlefield, qui est donc Battlefield 1942, etc., Battlefield 2, et en fait, ils ont repris ce principe-là de faire des grandes zones de combat, des grandes batailles. C'était du TPS, il me semble. Hein. Alors en fait, c'était du FPS, changer, oui, et tu passais en oui, TPS voilà, quand ouais. tu incarnais les trucs. Moi, en tout cas, c'est toujours ça. Le cas aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas. À l'époque, j'avoue. Mais... Il me semble que je jouais en TPS, personnellement. C'était peut-être que du TPS. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à ces jeux-là, mais parce que en fait, j'étais ado et du coup, je cherchais juste à pouvoir incarner Yoda ou Dark Vador. C'était débloquer le côté fantasy. En faisant des espèces d'exploits comme ça au fur et à mesure, c'était vraiment des grandes batailles. On pouvait monter dans les véhicules, il me semble. Mais oui. Qui reprenait aussi forcément toute l'imagerie de cette première de la trilogie et puis de l'autre trilogie. Donc ça aussi, ça a été un bon succès. Il y a aussi les Force Unleashed qu'on peut mentionner, qui étaient vraiment des beat them all. Là, c'était beaucoup plus sauce God of War, je pense qu'on clairement. Peut le dire. Il y en a eu deux. Le dernier est sorti en 2010. Il y a eu évidemment KOTOR 2, donc Knights of the... Qui est sorti avant. Hein. KOTOR 2, c'est avant 2010. C'est vrai qu'on l'a pas mis dans le bon ordre. Il y a eu des jeux Lego Star Wars. Ça aussi, ça a pris. Ça tue. Encore une fois, encore une rencontre entre deux univers assez. Ça, c'est le genre de jeu, on sait pas, mais ça se trouve, tu sais, il s'est plus vendu que n'importe quel KOTOR ou machin qu'on peut citer. On n'a pas regardé les chiffres, mais. Là, on en est au stade où le prochain Lego Star Wars, qui me semble, qui est enfin le Lego Star Wars avec tous les épisodes dedans, enfin, ça va être vraiment l'espèce de. Maxi Best of Ultime, et tu te dis, ça fait une quinzaine d'années maintenant que ça existe, ces jeux-là, et ça marche. Ils en vendent par paquet de. Et vraiment, d'ailleurs, moi je le dis très sérieusement, si vous cherchez des jeux cool à faire en famille, avec les petits jeunes et tout, ouais. les jeux Lego, ils sont top. Voilà. Même si, je préfère jouer à monter des petits Lego pour de vrai, parce que bon, moi j'aime bien. Mais j'aimais trop, moi, les Lego. Et moi, la seule chose que j'attendais avec les gosses, c'est de me dire, allez, yes, je peux revenir monter des Lego, on monte des trucs, on déconstruit. Et là, ton fils t'amène Minecraft, t'étais là. Ah, putain. Playmobil, sale. Non, je le renie. beaucoup de publishing. Et puis, y a un dernier jeu qu'ils vont vouloir essayer de développer en interne chez LucasArts, c'est le fameux Star Wars 13-13. Qui était lui vraiment envisagé comme un Uncharted-like. On était vraiment sur le TPS cover shooter complètement typique des années 2010. Jeu qui a été un gros bordel dans la conception. On savait pas qui. Enfin, eux, ils avaient écrit une histoire, etc. Et puis finalement, George Lucas, il a débarqué, il a dit c'est Boba Fett. Voilà, t'as l'anecdote où en fait, c'était développé en parallèle d'une série qui allait. Je sais pas si elle est sortie, je suis pas sûr, mais qui devait sortir sur HBO, un peu côté mature et tout, sur Coruscant, machin, le monde-ville un petit peu. Et donc, ça devait respecter ce setting-là, tu vois, certains personnages, ça devait peut-être même se croiser dans certains cas ou quoi. Du coup, forcément, et on aura l'occasion d'en reparler, mais George Lucas, il avait beaucoup de prise sur le jeu. C'est lui qui décidait de tout, sachant qu'en plus il possède 100% du truc, donc c'est vraiment le mec que tu écoutes. Et c'est dans le bouquin de Jason Schreier, Blood, Sweat and Pixels, où tu lui dis pas non, c'est la règle, il dit un truc, tu dis pas non, c'est lui qui t'embauche, c'est lui qui décide tout. Saute de ce pont. Et donc il y a plein de moments où il autorise les gens du studio, ça se fait progressivement en fonction de la confiance qu'il leur accorde, de comment ça évolue, mais il les autorise à utiliser certains personnages, certains lieux, certains trucs, et parfois il leur dit, vous devriez utiliser ce perso sous entendant, faites-le. Et il y a cette anecdote où tu dis, ça devait être vraiment tendu. Donc, 2 mois avant la démo qu'ils doivent présenter à l'E3, ils sont en train de cruncher de fou et tout, il leur dit, en fait, votre perso principal, ce sera Boba Fett. J'ai envie d'explorer un peu ce perso, machin, sachant qu'ils avaient déjà casté un acteur, ils avaient déjà fait des voice lines, ils ont déjà écrit l'histoire. Elle n'est pas du tout faite pour Boba Fett, qui a déjà une histoire. Et donc, ils lui disent, ça représente des mois, peut-être peut-être même des années de travail. Il dit non, mais vous le faites. Donc pour la démo, évidemment, c'est impossible. Mmh. Donc ils gardent quand même ce perso qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est le genre de décision de dernière minute qui est prise, qui impacte tout le studio. Et c'est juste parce que George Lucas l'a décidé, quoi. Mmh. D'ailleurs, il y a eu un jeu Star Wars avec Boba Fett. C'était pas Bounty Hunter, un truc comme ça? Si, il me semble qu'il y avait un truc comme un ça. Un jeu comme ça. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, après, c'est plus George Lucas qui aura le dernier mot, puisqu'en 2012, Disney rachète Lucasfilm et en 2013, LucasArts ferme. Il y a vraiment une clôture complètement et 1313 sera complètement abandonné. Hop, salut ce jeu. Et en fait, en 2013, c'est Electronic Arts qui va vraiment sécuriser, qui va... Ils vont signer en fait un partenariat de pas mal d'années avec Disney pour développer des jeux Star Wars différents. Ils bossent notamment sur la résurrection de Battlefront, qui n'a pas forcément eu le destin qu'ils s'imaginaient, notamment le 2 en fait. Le 1 avait bien fonctionné, mais le 2, c'est vrai qu'il y a eu ce bad buzz autour de cette microtransactions, de des monétisation, etc. C'était cette époque-là, toute façon. Même si commercialement, a priori, il a cartonné de fou. Ils avaient développé aussi chez BioWare Knights of the Old Republic, donc le KOTOR mais version en ligne. Ah oui, il y a eu le MMO qui le est MMO. Toujours actif, il y a eu une extension qui est sortie il n'y a pas si longtemps, etc. Mais c'est vrai que dans les jeux solo, le dernier jeu solo dans l'univers de Star Wars, du coup on a regardé, c'est en 2010, c'est Star Wars Force Unleashed 2 qui n'a pas forcément bien fonctionné à l'époque. Et ils ont essayé d'en développer un, ils ont essayé de développer dès 2013, je crois, ils avaient commencé à bosser dessus, donc projet Ragtag, il n'y avait même pas encore de nom vraiment officiel et on connaissait parce que c'était notamment Visceral Games qui bossait dessus, donc après avoir fait les Dead Space. Et il y avait Amy Hennig qui était connue pour être, je crois qu'elle était productrice sur les Uncharted. Elle était creative director sur le 1 et le 2, et puis elle est aussi connue pour la licence, et cette fois je n'ai pas besoin de te demander, Soul River, c'est elle qui l'a fait. Parce que ça s'était mal passé sur Uncharted 4, elle a quitté Naughty Dog du coup pour bosser là-dessus, et il y avait Jade Raymond en productrice avec EA Vancouver, il y avait un double développement, et ça avait fait beaucoup de bruit. C'est quelle année? 2017, le projet est annulé. Visceral Games a été fermé par EA tout simplement. C'est vraiment l'époque en fait où l'industrie du jeu vidéo est en particulier. Le jeu solo va mourir. En même temps, il faut dire qu'il n'y a pas grand chose qui donne envie de faire des gros jeux solo. Sorti d'un The Witcher 3, la plupart des jeux aujourd'hui on bascule totalement dans le jeu service. Les Assassin's Creed sont en train de passer à ce modèle là. On commence à voir tous les jeux en ligne, les Destiny, c'est aussi le début des PUBG. Enfin bref, vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est en 2015 vraiment que le projet va commencer à vivoter. Effectivement, ça va s'annuler en 2017. On se faisait la réflexion quand même qu'entre Amy Hennig et Jade Raymond, elles n'ont pas eu de bol quand même sur les dernières, sur ces quelques dernières années de production, parce que Amy Hennig, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle est sur des projets qui finalement sont mis au placard. Pareil pour Jade Raymond, qui a rejoint aussi Stadia après. Le fameux studio de développement de Stadia qui a été fermé avant même de pouvoir proposer quoi que ce soit. Et là, soit. Du coup, ils ont ouvert un nouveau studio où elle bosse et elle est avec PlayStation. C'est Sony qui a financé le truc, donc effectivement on lui souhaite que ça se passe mieux, et on souhaite aussi à Amy que elle puisse enfin nous montrer des choses. Mais ils vont donc reprendre encore un jeu solo malgré tout ça, et ils vont le confier à ce studio qui s'appelle Respawn Entertainment. Alors on peut revenir brièvement sur la fondation de Respawn Entertainment. C'est des anciens d'Infinity Ward, donc les gens qu'on connaît pour Call of Duty Modern Warfare, qui bossaient avec Activision. Et c'est en 2010, ils ont eu un peu des luttes de pouvoir avec Activision sur la licence Call of Duty. Ça s'est pas bien passé, et donc ces deux membres se sont barrés. Alors j'ai pas noté leur nom malheureusement, mais ils sont allés fonder donc Respawn Entertainment, avec tout de suite une bonne relation avec EA, puisqu'ils faisaient partie du programme qui s'appelait EA Partners, où ils étaient indépendants, c'était un studio indé, mais EA mettait des sous dedans, bossaient pour eux. Et c'est notamment eux qui vont faire les Titanfall, c'est la licence, ils voulaient bosser sur un FPS, mais cette fois futuriste. Ils voulaient aller titiller un petit peu les Gears of War, les Halo, c'était un petit peu dans ce champ de jeu là qu'ils voulaient aller avec ces licences. C'était cool à l'époque d'ailleurs, moi je me souviens des trailers, tu vois, quand on voyait arriver les Titanfall, qui tombent comme ça, tu dis, le truc ça envoie du pâté. C'est incarné parfois un mecha, t'avais des phases du coup en FPS et première personne dans un robot. Et en FPS où on courait sur les murs, etc. Ouais. Enfin, ça, c'est peut-être surtout dans le 2. Moi, j'ai fait que le 2, donc je peux pas parler pour le 1, mais en tout cas, t'as une mobilité qui est assez cool et que tu retrouves, on va en parler, dans Apex Legends. En fait, il y a vraiment le studio à son ADN, du coup, dans le FPS, puisqu'encore une fois, c'est des anciens de qui ont fait des Call of. Donc, il y a eu Titanfall 2, et puis après, Apex Legends, qui est venu vraiment où l'équipe finalement FPS s'est mise sur du Battle Royale. Apex Legends, qui a quand même très, très bien marché. Un gros carton à leur échelle. Et d'ailleurs, juste après Titanfall, donc Titanfall 2 qui est sorti en 2016, EA a racheté pour le coup le studio et ils ont pu bosser sur... Exactement, sur Star Wars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que Titanfall était en développement, Respawn sont allés débaucher une personne qui s'appelle Stig Asmussen, qui était en fait chez Santa Monica, qui a bossé, qui était director sur God of War 3. C'était lui le game director. Alors à la base, God of War 3, c'était Cory Barlog, jusqu'à ce qu'il fasse un burn-out et qu'il se barre. Et du coup, c'est Stig Asmussen qui est lui qui était art director sur le 2. Remember l'épisode 2. Exactement. Ouais. Putain, c'est vrai, c'est l'épisode 2. L'épisode God of War. 62 épisodes. Ouais, ouais, ça fait un moment. Vous pouvez voilà, retrouver cette histoire. On était encore fébrile comme ça devant nos micros. Au cinquième étage de ton ancien appartement. C'était beau. Donc ils ont débauché cette personne parce qu'ils avaient envie de faire un jeu d'action à la troisième personne, donc vraiment changer, créer un deuxième projet, créer une deuxième équipe qui serait montée vraiment de toutes pièces pour changer, parce que eux vraiment ils faisaient du FPS, et en fait ils ont commencé à bosser. Donc lui, il a emmené avec lui notamment une personne qui s'appelle Jason DeArras, qui est devenu le combat designer sur Jedi Fallen Order et qui était aussi combat designer donc chez Santa Monica sur God of War 3, donc quelqu'un qui avait cette expérience, et ils ont monté toute une team. Ils ont bossé pendant un an voilà, sur un projet, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, quand EA a racheté Respawn, ils leur ont dit « Les gars, est-ce que vous voulez faire un Star Wars solo ?» Et ils ont dit « Okay. Donc on met un petit peu tout à la poubelle. Alors, est-ce qu'on a tout mis à la poubelle ? On ne sait pas. On imagine qu'il y a des réflexions dans la structure du jeu et tout qui ont persisté. Mais voilà, ils sont passés sur Star Wars. Que dire de plus, c'est que ils sont montés, il y a quand même une grosse équipe, ils sont montés à 140 développeurs donc sur ce projet là avec en plus de la sous-traitance évidemment en Chine, en Inde, je ne sais pas, dans des pays les salaires sont beaucoup moins chers, et donc on leur fait fabriquer des cheveux et des cailloux, des choses comme ça. En vrai, aujourd'hui dans le AAA, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ouais, vraiment très clairement en fait. Oui, c'est ça, c'est que ça fait partie de tout un tas de c'est une logique, c'est l'écosystème quoi. Comme on a besoin d'assets 3D en quantité vraiment monumentale, en fait on peut pas les faire en interne, ça sert à rien, du coup, enfin c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher, et les jeux coûtent déjà suffisamment cher comme ça, donc on prend la main d'œuvre pas chère en Asie du Sud-Est la plupart du temps. D'ailleurs, j'ai regardé donc le making of du jeu, et justement il y a une des développeuses donc qui est une des artistes qui fait les modèles 3D, et justement elle demandait à son boss, est-ce que je peux faire les cheveux de ce personnage, parce que j'aimerais bien les faire, c'était serré notamment pour faire un peu ses cheveux quand elle est justement plus quand elle était plus jeune, justement elle n'était pas rasée, et en fait elle lui dit non, c'est la sous-traitance qui a s'en occuper, donc à part si t'es vraiment dans les timings, tu pourras peut-être t'en occuper, mais sinon tu pourras pas le faire. Et c'était assez amusant en tout cas de voir vraiment explicitement citer ça, parce que pendant un moment c'était quelque chose que les studios AAA, on n'en parlait pas trop de toute cette main d'œuvre qui était exploitée comme ça pour pouvoir créer les jeux qu'on souvent connaît, au crédit c'est pas toujours exactement cité, il y a des studios qu'on appelle les studios fantômes parce qu'ils sont derrière Et c'est vrai pour chez Guerrilla, je sais qu'Uncharted, Horizon. Ah, mais de toute façon, tous les AAA partaient du principe que des gens ont fait des trucs dessus. C'est pas possible sinon. L'autre élément intéressant, je pense, à retenir, c'est qu'ils ont vraiment été en constant échange avec Lucasfilm. Alors bon, maintenant c'est Disney, mais c'est toujours Lucasfilm, qui ont vraiment supervisé toute la création. La productrice de Star Wars Jedi Fallen Order était quotidiennement en contact avec des responsables justement de Lucasfilm, et ils devaient vraiment être synchronisés sur absolument toutes les décisions de design, de décor, des machins. Toute décision devait être validée sur le sound design, l'apparence, est-ce que c'est telle couleur de peau, est-ce qu'il a des poils. On dit ça un petit peu, mais c'est super important, parce que je crois que c'est la première fois qu'on en parle dans l'émission, donc de la gestion de l'exploitation d'une licence, quand on est vraiment dans une IP, ça implique tellement de choses, et puis surtout quand ça s'appelle Star Wars et qu'il y a Disney derrière, les espèces de bibles qui doivent préciser que tel matériau va être de la bonne couleur pour tel type de sabre, tel type de truc, il y a forcément une quantité monstrueuse de choses qu'il faut savoir. On peut imaginer que des gens de chez Disney, tu vois, des espèces de Wikipédia ambulants, mais ont c'est été vraiment dépêchés. Dans le making of, on les voyait, c'était vraiment trois gars, et ils étaient là en réunion donc face à Stig et son équipe, et tu sens que c'était les mecs, ils respiraient Star Wars, tu sens que c'était les relous d'internet qui se sont embauchés. Alors non, ça fait pas ça, c'est cette planète, c'est à 838. Alors non, ça c'est plutôt du point de croix pour ce truc là. Exactement, et vraiment ils sont là, et quotidiennement ils gèrent les projets. Et en fait, c'est pas forcément, on dit ça avec humour, mais il faut savoir que quand on se trompe de ce truc là, les fans ils vont le voir instantanément, et c'est un coup à déclencher des émeutes sur Reddit et autres. autre, parce que si vous balancez des informations sans le faire exprès dans un jeu, vous lâchez, bah tiens, en fait, Dark Vador, tu vois, t'imagines un truc complètement stupide, genre, ah ouais, Dark Vador, en fait, c'est aussi le frère de je sais pas quelle personne, ouais, tu vois, ouais, tu fais, bah, ouais, t'as tu tout le fandom voilà, qui s'énerve exactement. D'un coup, donc il faut évidemment faire très attention. Donc en fait, il faut bien comprendre que là, même si on dit ça sur le ton un peu de l'humour, il y a quand même des enjeux de continuité, de la saga, de l'œuvre. Du canon, ce qu'on appelle le canon. Ouais. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que l'univers de Star Wars, comme il est extrêmement large, hein, c'est on sait pas combien de galaxies. C'est pas que les films aussi. Oui, hein, oui, parce que c'est un univers étendu, il y a des livres. Et du coup, il y a quand même quelques libertés qui peuvent être prises et qui sont cohérentes, voilà, toujours qui restent en cohérence avec la continuité. C'est que le studio a pu créer des planètes, créer un bestiaire, en tout cas la plupart des ennemis, des monstres, c'est le studio qui les a créés, même si ça veut pas dire qu'après derrière, il n'y a pas validation, évidemment, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, des gens, j'imagine que les gens valident et disent, oui ça, ok, on le veut bien dans notre univers Star Wars. Exactement, donc vraiment des allers-retours tout au long du projet, et un projet qui aboutit, qui a été révélé donc à l'E3 de je sais plus qui il y est, voilà, c'était un gros événement, parce que ils l'ont annoncé d'ailleurs à une Star Wars Con, quoi, c'est quoi, oui, la, je sais plus comment c'est la Jedi pas, Con, je suis désolé. Désolé, voilà, vous voyez les vrais fans de Star Wars que nous sommes, je sais pas, mais enfin bref, c'est à cette espèce de réunion annuelle de tous les fans de Star Wars qu'ils ont annoncé le jeu pour la première fois. Il y avait quand même une attente assez importante, parce qu'un jeu solo, ouais, Star Wars, ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas eu de jeu de ce calibre-là, et en plus, c'était la période où, dans la sphère gamer, bah, comme EA avait presque, tu vois, officiellement annoncé en fermant Visceral Games, annoncé qu'ils ne feraient plus jamais de jeu solo, là, ils étaient fiers de dire, ça sera un jeu solo, il n'y aura pas de microtransactions, enfin, souvenez-vous, c'était ça les argumentaires, quoi. Tu te dis, ah ouais, on en est là, quoi. Bah après Battlefront 2, ouais, surtout eux. Oui, oui, ah bah là, ils ont eu un buzz énorme, ouais. Et puis le jeu, bah voilà, termine de se développer, sort fin 2019, on l'a dit. Succès commercial, ça, évident, on a plus de 10 millions en 2020, et là, aujourd'hui, bon, il a intégré le Game Pass, donc forcément, ils annoncent aujourd'hui que plus de 20 millions de personnes auraient joué au jeu, donc voilà, c'est quand même une grosse réussite pour eux. Et puis, même au niveau du Metacritic, c'est quand même assez propre, on est autour des 80, c'est 79 sur je sais plus quelle console, et 81 sur je sais plus quelle autre plateforme, donc voilà, dans ces eaux-là, ce qui est bien, mais pas top. On est loin des 90. Hein, non, mais c'est bien, parce que en plus, c'est presque un petit miracle, tu vois, qu'un jeu comme ça sorte, parce que ça faisait tellement longtemps qu'il y avait des problèmes. Je pense que on n'imagine pas la pression que devait ressentir le studio, parce que tu sais, ils se disaient, genre, ils voyaient le nombre de gens, qui étaient morts avant eux. C'est le même de la mort, tu sais, qui passe à chaque porte. Donc tu voyais, il y avait le 13-13, ensuite Ragtag, tu te dis, putain, c'était peut-être nous, peut-être nous les prochains, ouais. Et finalement, bah, ils ont réussi à sortir le projet, qui a une identité un peu particulière. Évidemment, on va l'aborder tout au long de l'épisode. Et en tout cas, la réception critique a été là. Et encore aujourd'hui, bah, c'est un jeu, tu vois, où on sait qu'il y a en développement. Alors, c'est pas officiel, mais on sait qu'il travaille sur la suite. C'est officiel, il y a une team Jedi en fait maintenant à Respawn, donc c'est acté. Enfin, Jason Derulo, sur son site, il dit qu'il est design director dans la team Jedi. Harry Spawn, donc oui, comme tu dis, a priori, bon voilà, il travaille pas sur un jeu Harry Potter. Team Jedi sur Harry Potter. La rencontre des fandoms, incroyable, ouais. Très bien, et maintenant on va suivre notre structure habituelle, on va rentrer dans l'histoire, dans ce jeu. Et exceptionnellement, il faut faire une petite annonce de spoiler pour les films. Ah oui, puisque c'est du coup, ça se passe entre la prélogie et la trilogie originale, donc entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et donc voilà, si jamais vous n'avez jamais vu les films Star Wars, ça arrive, c'est possible, je pense que ça doit exister. On vit très bien, je pense. On vit bien, vraiment. Je pense que du coup, vous vivrez bien quand même ce podcast. Si vous ne l'avez pas vu maintenant, vous connaissez à peu près les trucs, c'est juste, je précise, parce que on sait, les spoilers, des fois c'est important. Bref, à la fin de l'épisode 3, Anakin Skywalker décide de péter une durite et de tuer tout un tas d'enfants suite à ce qu'ils appellent l'Ordre 66. Donc en gros, les méchants révèlent leur masse. C'est un énorme coup d'État. Qui était un sénateur et qui devient l'empereur Palpatine. Dark Maker, en fait, est un Sith. Et qui, en fait, profite de son autorité sur l'armée pour prendre un coup d'État. C'est vraiment classique, tout à fait. Napoléon, La jante, cas. Je serais pas précis, mais il y avait une espèce de code de message qui fait que tous les, donc les clones, les fameux clones qui étaient méchants dans la trilogie 4, 5, 6 et qui étaient plutôt du côté Jedi et gentil dans la prélogie, bah hop, là ils changent directement de camp et c'est un moment où voilà, ils tirent sur les Jedi et tout. Ah, donc c'est... les Jedi se font massacrer. Ok, exécuter l'ordre 66 et maintenant ils font, oh, ils retournent tous nos armes contre les Jedi et piou piou piou piou et tous les Jedi meurent. Mais incroyable. Non, pas tous, parce pas que tous. Justement, et alors ils tuent en fait les enfants, puisque du coup il y a un petit peuple en armorique. Il tue les enfants mais aussi les Jedi et notamment il y a un enfant, donc Cal Kestis, qui sera le héros de Jedi Fallen Order, qui a été sauvé par son maître, qui s'est sacrifié pour le cacher, et il va vivre en fait toute sa vie caché. Il a renoncé, on va dire, à montrer ses pouvoirs de Jedi parce que forcément ils sont pourchassés, traqués dans toute la galaxie, et donc au début du jeu en fait, c'est ben pour sauver un de ses collègues ferrailleurs, il va utiliser les pouvoirs de la force. À ce moment là il y avait un drone qui passait par là, voilà, hein, les lois, la protection de la liberté, tout ça, encore faire un voilà. L'Empire ils s'assoient un peu dessus quand même, hein, ouais c'est vrai qu'ils sont pas c'est pas des gens très sympas, un peu intrusifs, la vie personnelle, la vie privée, tout ça ils connaissent pas. Et donc forcément ils envoient ce qu'ils appellent les inquisitrices, donc c'est la deuxième et la neuvième sœur, c'est des c'est des sortes de pseudo-sites. On imagine qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont de toute façon il y en a au moins neuf, voilà, oui bah il y en a au moins neuf, ça c'est sûr, s'il y a la deuxième et la neuvième a priori, ouais. Voilà, donc c'est une espèce de force en fait, voilà, de j'allais dire de bounty hunters, mais non, c'est plutôt c'est des assassins, ouais, c'est l'inquisition, donc ils sont là pour tuer les Jedi. Exactement. Et en fait au moment où ils veulent combattre Cal Kestis, il est sauvé in extremis par une ancienne Jedi, on va l'apprendre un peu plus tard, qui s'appelle Sere Yunda, qui va l'aider et qui va lui révéler que bah du coup comme il a des pouvoirs de Jedi, il doit révéler son pouvoir, voilà, retrouver son vrai pouvoir, l'ordre Jedi, ouais. En fait trouver une façon de reconstruire l'ordre Jedi. Alors elle serait, elle s'est coupée de la force pour une histoire sombre qu'on ne sait pas tout de suite, on l'apprendra plus tard pourquoi elle a activé le mode avion en gros. Il fallait que je... Mais oui, il fallait la dire. Je la trouvais cool cette blague. Elle s'est coupée de et donc, ils vont aller sur la planète Bogano, si je dis pas de bêtises, où en fait, il va rencontrer via différents messages un ancien maître Jedi. Il va entendre parler d'un fameux holocron qui contiendrait une liste d'enfants qui seraient sensibles à vous savez, les mitochondries et toutes ces conneries. Et donc, évidemment, les viticloriens, c'est pas la même chose. Désolé. Ah, toi, tu respectes pas le canon, par contre. Ah, ouais, ouais, les mitochondries, mycoses, les trucs, je connais pas. Désolé aux familles, pardon. Et donc, il va découvrir l'existence de ce truc-là. Donc, forcément, il va se mettre en quête de ce truc-là. Mais le holocron est dans un autre château. Il va devoir, en fait, dans un premier temps... alors, je ne sais plus exactement, dans le premier ordre, c'est quoi? Il doit d'abord aller sur la planète des Zephos, qui sont une ancienne civilisation qui était très proche en fait, des Jedi. Ouvrir, il ne peut pas ouvrir le donjon sans le pouvoir des grands Zephos. Donc, il faut qu'il se renseigne sur les Zephos. Donc, il va d'abord sur la planète où il y a du vent et compagnie. Ça, c'est la planète des Zephos. Le Zeph, le vent, c'est les Zephos, voilà. En vrai, c'est les choseaux, hein, mais c'est les Zephos. Donc, on va sur cette planète-là pour découvrir, je sais plus trop ce qu'on découvre là-dedans. On va pas s'attarder sur toutes les babioles qu'il faut trouver. Il y a beaucoup de péripéties. Il y a des Wookiees à un moment. Il y a des Wookiees à sauver. Il y a des chauves-souris à battre. Waouh, tu le fais bien. Plutôt fier de mon Wookiee. Je peux faire l'épisode en Wookiee, si vous voulez, et on fait style jeu. Ouais, on fait genre, du coup, on fait genre, vous comprenez ce que je dis. Est-ce que quelqu'un sait faire le robot ici? Non. Bon, allez, vas-y, excuse-moi. C'est vas-y. Dur. Non, continue, mais moi, j'essayais d'être sérieux pendant deux secondes, là, mais bon, voilà, c'est forcément, c'est compliqué. Au final, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une histoire également sur la planète d'Atomir avec, il va rencontrer Meryn, qui elle a le pouvoir les sœurs de la nuit. Les sœurs de la nuit, voilà, qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Il va rencontrer aussi un ancien maître Jedi qui est tout tatoué, qui a l'air méchant, qui a l'odeur du méchant et qui en fait est méchant. Le spoiler, le il est méchant. Voilà, et il va essayer de tenter Cal avec le pouvoir obscur. Évidemment. Rejoins-moi du côté obscur, nous serons puissants, on fera des éclairs, des zzz, comme ça avec les doigts. Et péripéties, un flashback. Alors ça, c'est pas mal d'ailleurs, parce qu'il y a régulièrement des flashbacks où on voit Cal tout petit avec son maître qui l'entraîne du coup, et il découvre d'ailleurs des pouvoirs de cette manière-là. Enfin, à un moment donné, il se souvient des pouvoirs, et à un moment, son sabre en fait est même carrément brisé. Terrible. Il y a une espèce de moment d'introspection où il revoit son maître, alors pas en flashback cette fois, mais vraiment face à lui. Dans le void. Ouais, c'est ça, dans une espèce de, voilà, on va dire, c'est, même dans les Star Wars, parfois, t'as des passages y a des moments, comme ça. Bah, typiquement, dans la dernière trilogie, il y a des moments où Rey, comme ça, elle fait un peu face à elle-même, il y a dans ce moment miroir, là, où on la voit comme ça. Lui qui fait ça aussi, quand il va, tu sais, sur la planète de Yoda, c'est vrai, c'est classique. Petit, voilà, justement, ils ont dû reprendre un petit peu. et il doit le battre, on sait pas trop ce qui se passe, voilà, son sabre est cassé, et donc il repart, on a notre sabre cassé, on peut pas s'en servir, on doit fuir de la planète parce qu'on se fait courser par les gens ressuscités qui sont juste des zombies, hein, concrètement, des sortes de ghouls qui nous coursent, et on va donc réparer notre sabre laser, on va choisir sa couleur, hein, puisque... On va sur la planète où justement il y a les petits cristaux, ouais, voilà, que tous planète, les Jedi hein. doivent aller chercher leur machin. Sauf et voilà. que là on choisit notre couleur, je sais pas si c'était le cas, bref, dans le lore, dans le, l'univers étendu... Est-ce qu'ils ont le droit de choisir la couleur ? Bref, donc on a pris le rose, hein, évidemment, oui, comme tout le monde a fait, comme Samuel L. Jackson, et on va réaffronter notre maître, et alors je crois qu'officiellement dans l'histoire, il faut juste accepter le trauma, accepter le souvenir, mais concrètement, il faut faire L1 carré pour lui faire notre nouvelle attaque, on sépare notre sabre en deux, on le tape très fort, et oui, bravo, tu as surmonté ton souvenir, c'était très bizarre comme scène, et voilà, on rentre du coup dans le fameux temple. On peut rentrer dans le temple, on trouve ce fameux holocron, et quand on arrive vers l'holocron, on n'en a pas parlé, mais c'est Trilla, qui donc la neuvième sœur qui nous chasse depuis le début. C'est la deuxième. Ah, c'est la deuxième. La neuvième sœur, c'est celle qu'on combat, tu sais, c'est celle qui est super costaud, la combat. Ah, c'est celle la neuvième. Ou je confonds, c'est l'une des deux. Au pire. Ouais. Bref, en tout cas, Trilla qui se révèle, en fait, alors on le savait déjà depuis un moment à ce moment-là, mais c'est la qui était l'apprentie, donc de Céré, qu'elle a trahi, etc. Et comme elle a été trahie, elle a dit plus jamais maintenant je retourne dans le noir, comme dans PNL, tu vois, sa haine lui a donné sa dalle, et du coup, elle est passée du côté obscur, et elle nous chope l'holocron, et elle se réfugie dans une base toute rouge et de métal qui est bien méchante, sous-marine en plus, et elle nous dit où elle est parce que elle est sympa. Je suis là, je suis placé. Oui, bonjour, j'ai hacké vos transmissions audio plutôt que de continuer à vous écouter, savoir où sont les secrets. Bon, je vais vous le dire, c'est sympa. Oui, voilà. Merci. Allez, bisous. Donc, on la rejoint sur cette planète, on défonce tout le monde, on l'affronte enfin jusqu'à la soumettre par notre puissance, l'apprentissage qui nous a permis de redevenir un Jedi puissant. Nous l'avons dépassé, le côté lumineux vint, mais Cal résiste à la tentation de la tuer car c'est un homme bon, et pourtant derrière, qui apparaît ? Et non, ils n'avaient pas les droits apparemment. Ils n'avaient pas la musique, mais ils avaient le bonhomme. Ils avaient quand même Dark Vador qui arrive et qui empale tout simplement. Il la tue, voilà. Puisqu'elle a un petit revirement où elle se met, voilà. Elle se commence à douter. Voilà, Star Wars, hein, c'est très. Les gentils, les méchants, entre les deux, ça n'existe pas trop. Et du coup, elle était très méchante, et là, elle commençait à devenir gentille, et là, du coup, le très méchant est arrivé. Ce qui préfigura un petit peu le destin de Dark Vador, d'ailleurs, finalement. C'est quand même fou. L'histoire, c'est une sorte de foreshadowing, mais après quelque chose. Bref, c'est fantastique, vraiment. Une incroyable. Bref, on se fait poursuivre par Dark Vador dans un moment, dans une séquence d'ailleurs assez cool où il tord littéralement tout ce qui se passe autour de nous. Donc nous, on fait des cabrioles, on s'enfuit. Céré, qu'on croyait morte, eh bien en fait, non, elle nous sauve de Dark Vador et Cal arrive à s'enfuir, notamment grâce à l'aide de Mérine, donc la sœur de l'ennemi, qui est devenue notre copine entre-temps. Entre-temps, voilà, on sent qu'il y a une petite tension entre les deux. Et au moment où il se dit, ça y est, ça fait quand même 15 heures qu'on est à la poursuite de ce foutu holocron, et là, Cal, il se dit, je vais le détruire. En fait, c'est que là, Mérine, c'est ça, j'ai déjà oublié. Oui, c'est Mérine, la sœur de l'ennemi. Et elle commence à dire, mais dis donc, là, l'holocron, là, vous allez récupérer des enfants, mais ils vont être persécutés aussi, c'est peut-être pas un futur très radieux que vous lui offrez. Et là, Cal, il se dit, elle a peut-être raison. En fait, elle est pas conne, Mérine. Et d'ailleurs, quand tu vas chercher ton sable, tu commences à avoir des visions du futur où les enfants se font traquer, persécuter. Tout à fait, c'est vrai. Et donc, il se dit peut-être que c'est vraiment très bête ce qu'on fait, en fait. Et du coup, hop, on casse peut-être le. Peut-être que Céré, elle était peut-être pas maître Jedi pour. Enfin, peut-être elle méritait pas d'être maître Jedi. Il a vraiment fallu juste une meuf là depuis 5 minutes et qui dit c'est, en fait, ce que vous risquez votre vie là depuis le début. Le plan, il est un peu nul quand même. Là, il y a des gens en PLS qui vont nous écouter depuis tout à l'heure. On est désolé, on a fait le. T'aurais dû rester ferrailleur, voilà, tu faisais une petite ferme. T'essayais, comme tout le monde, de gagner un petit peu d'argent. Tu mets de côté, tu ouvres une ferme, tu restes tranquille et voilà. Hey, c'est tu finis sur Tatooine, voilà, tranquille. Ta ferme, là, voilà, le truc classique. Un épilogue Red Dead Redemption 2, du coup. le crossover. Très bien, et c'est la fin de ce Jedi Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order. Et forcément, étant donné que c'est un jeu qui se passe entre deux séries de films, l'histoire ne pouvait pas modifier, puisqu'on sait ce qui se passe avant, Dark Vador. On sait ce qui se passe après, exactement. On peut même pas lui couper la main, ni quoi que ce soit, parce que ça sera le boulot de Luke plus tard. Et on peut rien faire, en fait. Donc, malheureusement, il n'y a aucune conséquence. C'est vraiment une histoire prétexte. Hein. Le principe du holocron, si jamais vous avez jamais entendu ce concept, c'est ce qu'on appelle un MacGuffin en cinéma, c'est-à-dire que c'est un prétexte, un truc qu'on va poursuivre, une chimère qu'on va poursuivre tout au long d'un film, et qui, en fait, n'a jamais jamais vraiment c'est d'existante. C'est le moteur de l'action, voilà. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Le holocron, on s'en fout, en fait, ouais, très rapidement. Ouais. Sachant qu'un MacGuffin, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, évidemment, non. Parce que comme on dit, c'est pas forcément c'est la c'est un outil narratif, oui, voilà, exactement. C'est, voilà, c'est le voyage qui compte, et pas la destination. Mais sauf que là, c'était plus une contrainte, en fait. Comme on l'a dit, c'est que, voilà, il fallait que l'histoire soit inconséquente sur l'univers Star Wars. Et bon, même si, et l'autre contrainte aussi, c'est qu'en fait, ils devaient faire une histoire. C'est-à-dire que quand même, Lucasfilm leur disait, vous faites un jeu Star Wars, il va falloir raconter une histoire, avec des héros, des méchants, des gentils. Donc, il y a une, entre guillemets, bonne histoire, une histoire qui va un minimum accrocher les gens. Bon, chacun jugera, hein. Nous, on n'a pas été particulièrement. Ça rentre dans les canons, vraiment, de le côté lumineux contre les. Enfin, côté obscur. Bref, ce que raconte Star Wars, finalement, depuis le début de son existence. C'est ça, c'est que c'est un peu. Ils vont pas forcément explorer des trucs très compliqués. C'est pas Dostoïevski, hein, il faut le savoir, hein. Bon, faut le dire. Et puis surtout, c'est parce que ça se passe effectivement entre ces deux films, tu vois, autant dans un KOTOR par exemple, comme ça se passe 3 ou 4 000 ans avant. On peut se permettre plus de choses. Ils peuvent se permettre un peu plus de liberté parce que c'est pas tout à fait le même ordre au niveau, au niveau des relations entre les Sith, les Jedi, etc. Mais quand on est vraiment dans la trilogie des films, forcément, on est un peu limité. Un autre truc qu'on a noté et qui est assez intéressant, c'est le choix d'avoir fait de Cal Kestis, le héros, qui avait été d'ailleurs pas mal décrié à la sortie du jeu. Quand il y a les trailers et tout. Alors les gens, ils aiment pas les roues. Vraisemblablement. Les gens sur Twitter sont pas très gentils. Non, plutôt des côtés obscurs. Les gens de Twitter, c'est plutôt côté obscur. Même le côté obscur, ils en veulent pas. Ils sont au-delà. C'est trop pour eux, tu vois. Non, mais effectivement, beaucoup de tentations d'être du côté obscur sur Twitter. Mais en fait, c'est surtout que du coup, la contrainte, c'était quand même de créer des personnages. C'est-à-dire que comme ils pouvaient pas créer des enjeux autour de vraiment des enjeux macro, ils pouvaient pas bousculer l'équilibre de la force, n'est-ce pas? Et forcément, ils ont dû se concentrer sur ces personnages. Et c'est vrai que Cal Kestis n'est peut-être pas le héros au format qu'on a l'habitude de voir. C'est peut-être pas une montagne de charisme avec vraiment un caractère très fort, très appuyé comme ça. C'est plutôt quelqu'un qui est assez réservé. De toute façon, sa vie a fait qu'il a dû se cacher. Il s'est même coupé de la force. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'empathie, qui est assez sensible. Bref, c'est pas le héros qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos. C'est vachement intéressant, en fait. Hein, et au final, nous, ça nous a plutôt plu. Ouais, c'est un des rares trucs où je me suis dit, c'est pas mal, tu vois, ça change parce que justement, on joue pas un personnage, tu vois, on joue pas une espèce de Sangoku, de Superman, héros vraiment sans aucun défaut et de temps en temps, il est là, la tentation. Ouais. Mais là, non, vraiment, lui, il a pas mal de faiblesses, il a pas mal de défauts, il a ce fameux trauma d'avoir été persécuté, d'avoir vu son maître se faire tuer. Donc pour lui, la force, c'est pas un truc qu'il a envie d'utiliser comme ça dans son quotidien, et il l'utilise en fait simplement pour sauver son pote un peu malgré lui. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ça cool, justement, les petits souvenirs, et hop, il redébloque des pouvoirs parce qu'il se dit, ah oui, quand même, c'était cool. En fait, son histoire, il l'a déjà vécu, c'est-à-dire que autant des héros pas hyper charismatiques, tu les as au début dans les Star Wars, tu as Luke Skywalker ou même Rey, il y a un côté poursuite de l'identité, mais il va leur arriver des trucs. En fait, ils vont devenir forts, ils vont découvrir la force, ils vont devenir des gros héros à la fin. Là, Cal, en fait, c'est déjà un Jedi, il a vécu un trauma, donc c'est déjà quelqu'un qui peut se battre, mais qui a vécu, comme on l'a dit, caché, réservé, méfiant. Et du coup, il y aura pas d'évolution du personnage, mais encore une fois, c'est pas si grave que ça. Enfin, quand même, parce qu'il va reprendre confiance en lui, il y a quand même effectivement Stark, et on en reparlera, c'est ce qui va lui débloquer des capacités qui peuvent lui permettre d'accéder à d'autres coins. Mais comme dit, c'est des souvenirs, c'est-à-dire que il va pas changer vraiment de personnalité, et c'est pour ça que je trouve la scène ratée avec le Jedi ou à son maître, parce qu'il y a ce côté accepter, il accepte le souvenir, il accepte que ce trauma fasse partie de lui, donc il se complète un petit peu. Mais bon, c'est pas transcendant, tu vois, c'est intéressant sur le papier. De toute façon, c'est encore une fois, il n'y a pas de volonté de créer de grosses vagues non plus. Le personnage de Céré, le problème, c'est qu'en fait, quand tu connais Star Wars et les thématiques explorées, les twists narratifs, tu les vois arriver à 10 km. Les machins, ça, on commence à connaître les relations entre apprenti, entre maître, qui a déçu l'apprenti, du coup, l'apprenti est tenté du côté obscur. Bon, voilà. En fait, c'est ça, ils itèrent avec des trucs qu'on connaissait déjà, de toute façon, des films Star Wars. Et oui, c'est un peu un parapastiche, mais ça reprend les choses qu'on connaît. On n'est pas surpris, comme dit, c'est les gentils, les méchants. Il y a des trahisons avec des gentils qui deviennent méchants, peut-être des méchants qui deviennent gentils. Voilà, ça et va c'est pas ça, en ça. Fait, de bosser avec une licence aussi grosse que Star Wars, c'est qu'il y a des limites, parce qu'en fait, c'est un truc incroyable, puisqu'on bosse avec la plus grande licence de l'univers, et c'est aussi une malédiction incroyable, puisqu'on travaille avec la plus grande licence de l'univers. Donc forcément, il y a des contraintes, il y a des limites, il y a des restrictions, on est extrêmement surveillé. Donc forcément, réussir à créer une histoire entre deux séries de films, alors qu'on sait pertinemment ce qui se passe avant, ce qui se passe après, C'est un peu compliqué, donc comme on l'a dit, ils ont essayé de se préoccuper peut-être un peu plus des personnages, d'avoir peut-être une narration un peu plus proche de ce héros-là. Est-ce que ça a fonctionné? Bon, c'est pas un truc. Voilà, nous on n'est pas juge là-dessus. Ils prennent. Bah, on peut l'être juge. Non, mais je veux dire, on a notre opinion, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas un truc absolu, quoi. Ils ont fait un choix qui est assez intéressant, justement, de pas prendre un personnage trop emblématique, parce qu'il pourrait du coup faire de l'ombre à d'autres persos, d'autres séries. Après, il y a aussi la relation avec le petit robot qui a aussi sa place. Oui, c'est cool, ouais, BD. Ça marche pas si mal. C'est-à-dire que finalement, même si l'histoire est pas de manière vraiment objective passionnante, c'est pas un scénario qui est, enfin voilà, c'est un MacGuffin, c'est machin. En fait, dans le moment to moment, tu vois, dans l'instant, bah tous ces petits moments ils passent bien. C'est-à-dire qu'Alcassie, c'est un héros qui est plutôt agréable à suivre. Sa petite relation avec le robot, bah ça marche toujours bien, parce que ça, c'est quand même un des trucs qu'ils savent bien faire, Star Wars. Ça aussi, c'est une checklist. Il y a un machin qui parle une langue que personne ne comprend, eux tout le monde comprend, sauf nous. Ça, c'est vraiment le truc classique. Puis il est rigolo parce qu'en plus il a un impact dans le jeu en termes de gameplay qui est plutôt bien fait, son intégration elle est cool. Et puis ça fonctionne bien, ça reprend un petit peu, on va parler un petit peu d'Uncharted après, évidemment, ça vous pouvez le deviner, mais chez Naughty Dog, c'est vrai, il y a toujours ce moment où on est souvent accompagné, et là aussi du coup on retrouve quelque chose, il y a un petit côté buddy, en fait, on n'est pas tout seul. Avec toute l'histoire où il fait pousser ses petites plantes dans l'arbre et tout, dans son vaisseau, c'est des petits personnages qui sont pas forcément très emblématiques, qui vont pas forcément nous marquer, mais ça permet de rythmer, voilà, comme tu dis, l'histoire. Oui. Celui dont tu parles, qui a 4 bras, qui pilote le vaisseau, voilà, c'est le petit comic relief, dès qu'il est un peu agacé il sort un truc, mais en fait il a un grand cœur, voilà, c'est évidemment aussi, il est gentil. Non mais voilà, en fait on est vraiment dans quelque chose qui est on voit la fonction de tout le monde, en fait tout le monde a vraiment sa fonction narrative, l'incarne bien, c'est pas des personnages qui sont extrêmement nuancés, on va pas se mentir, mais voilà, ça marche bien, en fait ça se suit bien sur c'est Star Wars, en fait c'est ça finalement, c'était ce qu'on se disait, c'est que bon, on va pas se mentir, voilà, comme on le disait, c'est du divertissement pour tout le monde. Il faut que si vous ayez 12 ans, que vous en ayez 18, que vous en ayez 25, que vous en ayez 45, ça vous parle quand même, que tout le monde s'y retrouve, et voilà, c'est assez, ça se sirote tranquillement, c'est popcorn. Et finalement, est-ce qu'on peut en attendre bien plus d'un jeu Star Wars? Je crois pas, quoi. Non, de toute façon, j'aime bien Star Wars, je suis pas fan, mais c'est vrai que moi, les histoires, je cherche pas de la complexité ou même de la subtilité, vraiment, c'est très binaire, Star Wars, donc moi, ce que je vais chercher, en tout cas, dans les films, ça va être variété d'environnement, des designs, des scènes d'action, voilà, et de toute façon, là, comme on parle d'un jeu, on sait que le scénario, il sera probablement pas ouf, mais la question, voilà, c'est quoi le jeu, du coup? Et ça, du coup, ça, c'est intéressant, parce que imaginer un jeu Star Wars, forcément, il y a plein de... je vais pas dire de fantasmes, mais de ce qu'on appelle la fantasy, vous savez, qu'est-ce qu'on s'imagine qu'on veut faire. Et forcément, souvent dans les jeux Star Wars, on se dit, on a envie d'incarner un Jedi, on a envie de jouer avec la Force, on a envie de profiter de ses pouvoirs, de se sentir comme ça, être une espèce de chevalier Jedi. Et du coup, ça, c'est vachement intéressant, parce qu'en jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Or, le truc, c'est que depuis pas mal d'années, le jeu vidéo, c'est plus un jeu où on combat avec des épées, c'est plutôt un genre où on combat avec des armes bien cachées derrière sa couverture. Et c'est vrai que des jeux d'action comme ça à la troisième personne, il n'y en a plus tant que ça, hormis justement les jeux From Software qui nous permettent de faire ça. Par contre, il y a tout ce qui est série Uncharted, et ce qui fait que, en fait, quand on joue à Jedi Fallen Order, on a vraiment l'impression que c'est un produit de son temps et une espèce de mélange de tout un tas d'influences avec du Uncharted, du God of War, un petit peu de Metroid, un petit peu de Dark Souls, un peu de Sekiro. Vraiment tout ça mélangé et ça lui donne un peu son identité. Et au début on peut s'attendre à beaucoup de Uncharted, puisqu'on l'a dit, il y a une scène assez spectaculaire où des choses vont s'effondrer, il y a de la grimpette aussi au début, très tôt sur il y a un train en plus, ensuite il y a le train, des gens qui vont nous tirer dessus de haut d'en bas, on peut s'entraîner un petit peu à l'épée, et comme tu disais, ils viennent de God of War, donc il y a aussi ce système de combat quand même de mêlée qui est, donc tu disais, il y a Dark Souls mais aussi God of War, et finalement sur la longueur, on peut revoir un peu de Uncharted, mais pas exclusivement, il y a des vieux temples avec des énigmes, comme on l'a dit, la grimpette, ça va continuer jusqu'au bout, et finalement des scènes spectaculaires, on peut citer le moment de la chauve-souris, on peut citer le moment où on va grimper sur les AT&T, je sais plus, les dromadaires, Hugo, les robots dromadaires, donc sur la planète où il y a les Wookiees, mais voilà, il y en a pas, je me répète, mais il y en a pas tant que ça, elles sont pas aussi bien calibré non plus. En fait, c'est ça, c'est que finesse, quand le jeu commence, il y a cette espèce de maxi intro comme ça qui ça est vraiment pâté, Uncharted-esque au possible. Vraiment, le train, de toute façon, pour moi, c'est Uncharted 2, j'étais en mode genre bonjour, citation presque explicite, quoi. Et on se dit, ok, on va vraiment partir sur un jeu qui a un rythme très, très, très, très, très intense comme ça. Et comme tu le dis, en fait, Dès que c'est fini, en fait, dès que le train arrive, ça y est, on ralentit vraiment. Et là, on passe dans une autre structure de jeu qui finalement va pas du tout avoir la linéarité d'Uncharted. On va pas du tout faire d'un point A un point B, d'un point C, etc. En fait, non, on va se venir sur un jeu qui est plutôt un peu à l'ancienne, en fait, où il y a vraiment des mondes, littéralement. Hein, chaque planète, c'est un petit monde dans lequel on va se poser et on va progresser à l'intérieur de ce monde, mais on va aussi faire des allers-retours, des machins, un peu à l'instar, en fait, d'un Metroid. Mais c'est du Metroid extrêmement light, quoi, vraiment très très très très oui, parce très qu'on n'est pas non plus dans on va pas se perdre. La carte, elle est particulièrement explicite, elle va bien nous indiquer là il y a un mur que vous pouvez détruire, là c'est un passage secondaire, là c'est une là, porte, c'est rouge, là c'est rouge, pouvoir, t'as pas encore ouvert la porte, tu reviendras plus tard. Donc on n'est pas encore dans l'exploration, mais il y a malgré tout quand même cette règle qui est vraiment un des trucs fondateurs des Metroid, qui est on peut débloquer de l'exploration grâce à des capacités qu'on va obtenir. Typiquement au tout début on va apprendre à marcher sur les murs, ou même du Zelda, hein. On dit Metroid, c'est vrai que les Zelda, bon, c'est un peu la même structure de toute façon, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'il y a typiquement vraiment ce schéma-là des donjons de Zelda où on rentre dedans, on peut pas tout faire, on va débloquer un pouvoir et ensuite on va pouvoir explorer le donjon dans son intégralité. Et ça, les Zelda, c'était l'arc, c'était les bombes, c'était ces trucs-là. La petite différence, c'est que je pense que la différence peut-être entre Metroid et Zelda, c'est que Zelda, c'est peut-être plus puzzle en général avec les objets, on peut s'en servir pour d'autres trucs. Alors Metroid, c'est aussi du gameplay. Et là, c'est l'occasion de le dire, on l'a déjà évoqué, mais à chaque fois qu'on est confronté à un obstacle qu'on peut pas encore traverser, Cal va avoir un souvenir de quand il était Padawan. Il va toucher une pierre qui brille un peu bleu comme ça, et ça y est, là, c'est le souvenir. Il se souvient qu'en fait, il faisait du parcours, il peut faire des doubles sauts, courir contre les murs, attirer quelque chose. Choses avec la force, ou au contraire, les pousser et enfoncer des passages. C'est des passages qui, ça rythme plutôt bien le jeu. Le jeu, globalement, moi, je trouve assez mal rythmé, notamment le premier temple, il dure, je sais pas, 3 heures, je trouve ça super long. Mais les petits passages flashback comme ça marche plutôt bien. Ouais. Et t'as notamment le dernier flashback, moi j'aimais bien le passage ce que tu retombes nez à nez avec des clones qui sont en fait gentils, parce que tout ce temps, parce que ça c'est au bout de au moins 10 heures de jeu, on a combattu vraiment, on a zigouillé une bonne centaine je pense de Stormtroopers, et là on retourne avant donc le fameux ordre 66 où ils vont devenir méchants, et ils sont trop sympas, c'est des PNJ, t'ouvres une porte, hop t'en as devant toi, ils font hey, salut Cal, ah, t'es en retard, tu tapes la main, bon courage, vas-y, j'espère que tu vas faire un bon entraînement. Et en termes de gameplay, c'est intéressant de se dire que c'est des modèles que t'as tués en fait et que tu vas continuer à tuer après, mais dans le flashback, ils sont gentils. C'est vrai que sur le coup, les voir gentils, ça fait son petit effet. Et ouais, puis ça fonctionne pour bien illustrer. Enfin, cet ordre 66, c'était un traumatisme, tu vois, pour parce que sa vie, comment elle était structurée, tout l'ordre. Enfin, vraiment, c'est un ordre qui est complètement basculé. Et il voit son maître se faire tuer devant lui. Il doit fuir les gens qui l'ont accompagné depuis très longtemps, puisqu'il s'entraînait dans cette base. Donc vraiment, on comprend en fait vraiment la source comme ça, vraiment du conflit intérieur de Cal Kestis. Et c'est vrai que ça marche bien en gameplay. Encore une fois, c'est une séquence où on joue pas trop et pourtant il se passe des choses intéressantes et le jeu vidéo sait bien raconter ces petits moments-là. Ouais, ça fait partie de ces moments où le jeu il se dit on arrive à quand même bien faire coordonner comme ça le gameplay et la narration, les deux en même temps. Et c'est un truc qui est très moderne dans le jeu vidéo dont on parle souvent dans l'émission. Et c'est vrai qu'il y a ce moment-là et quelques autres où ça fonctionne bien. Ils sont peut-être pas encore allés aussi loin parce que justement, moi j'ai trouvé que c'était un mélange de peut-être trop d'influences en même temps. On sent vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup d'influences et c'est difficile forcément de trouver l'équilibre entre eux, et puis même il n'y a pas les mêmes enjeux parce que du coup comme ils vont taper dans des références peut-être un peu plus niche entre guillemets ou core gamer, tu vois, les Dark Souls, Metroid, c'est pas des licences qui sont aussi connues que Star Wars évidemment, mais donc à côté ils doivent quand même faire un jeu pour tout le monde. Ils vont nous proposer une version un peu allégée de tout ça. Et donc forcément, pour les gens qui sont fanatiques des Souls, ils vont peut-être se dire « Ah, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas assez. » Pour les gens qui connaissent pas du tout, par contre, moi, j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne porte d'entrée. Et on l'a vu, d'ailleurs, sur les gens sur le Discord qui disaient « Moi, je me suis éclaté avec ce jeu parce que j'ai découvert ce truc du challenge, etc. » Donc, ils ont quand même réussi, pour certaines personnes, à redonner ce petit sentiment d'accomplissement. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que c'est vrai que dans la structure aussi, ça ressemble un peu aux Souls, puisque les Souls renvoient à Metroid. Oui. Mais par contre, il y a le combat. C'est vraiment l'élément principal du jeu. D'ailleurs, il y avait une anecdote qui était assez amusante où, en fait, pour le premier trailer du jeu, la première séquence qu'ils voulaient montrer, donc vraiment l'ouverture du trailer, à la base, les vidéo éditeurs, les monteurs, ce qu'ils avaient sélectionné, c'était le passage justement où on grimpe sur le dromadaire avec les lianes et tout. Et en fait, Stig Asmussen a dit non, je veux pas qu'on montre ça parce que notre jeu, c'est pas un jeu de grimpette et compagnie. D'ailleurs, c'est ce qu'on a conclu, mais c'est un jeu de combat. C'est ça qu'on veut montrer. C'est vraiment les combats au sabre laser. C'est ça vraiment notre cœur. notre cœur de jeu. Et effectivement, bah, c'est un jeu où vraiment on se tape au sabre laser. Et ils sont du coup allés piocher un petit peu, bah, évidemment chez From Software, on est obligé de les citer parce que c'est assez évident dans la façon de combattre sur les timings. Les ennemis qui réapparaissent quand tu te poses, les parades, enfin voilà. Ouais, les feux, le système de sauvegarde qui est fait principalement via les feux de camp. Bon, on est là aussi pour moi, on est dans la citation en fait. Oui, voilà, les astuces, ouais, effectivement. Et on peut préciser aussi, donc Sekiro est sorti 6 mois avant. Ouais. Et ça, ils l'ont dit, ils s'en sont un petit peu inspirés, donc dans la mesure du possible, évidemment. Mais comme on le disait, le fameux Jason Derulo, bon, lui, Dark Souls, il y a joué, tu le sais très bien, il décortique parfois, il parle même de Sekiro plusieurs fois sur son site. Et bah, notamment, un truc qu'ils ont pu incorporer assez tard, c'est t'as les ennemis donc, qui nous attaquent, on peut les parer, mais ils clignotent en rouge avec un petit son assez distinctif pour nous dire ce coup-là, tu pourras pas le parer, il faut l'esquiver ou peut-être l'interrompre avec la force. Et Sekiro a ça, tu vois, il y a une espèce de kanji qui s'affiche au-dessus du sabre ennemi, en tout cas au-dessus de sa tête, et qui va nous faire un coup imparable. Et la barre d'endurance, on peut se demander aussi ce qu'il y a. Donc, alors c'est pas vraiment une barre d'endurance, je sais pas comment appeler ça, une part de pari peut-être, ou en tout cas tu. Bah, c'est la posture dans ouais, Sekiro. C'est la posture de Sekiro, ouais, c'est ça. Ils reprennent ça, hein, c'est la même mécanique. Ou donc elle se vide et elle se recharge plus lentement. Donc quand t'es en garde, donc ça c'est la base. Mais quand les ennemis en ont une aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu les paries, hop, elle se vide progressivement. Et quand tu la mets à zéro, c'est-à-dire que là t'as une ouverture pour leur mettre un coup, ils ne pourront plus se défendre quand on a vidé leur barre. Et à l'inverse, nous aussi, notre barre, si elle se vide. Oui, parce que t'as quand même des gros ennemis, bah, les Stormtroopers en général, qui ont une armure un peu plus noire, voilà, ils sont plus forts, ils ont leurs épées violettes, leurs armes violettes. Eux, ils sont un peu plus chauds quand même, donc en général, faut essayer de leur vider leur barre un peu de posture pour pouvoir vraiment leur placer un coup. Donc en fait, eux, au fur et à mesure qu'ils partent, bah, leur barre, elle descend. Donc vraiment, comme Sekiro, hein, c'est vraiment, faut agresser un petit peu, sauf évidemment que c'est beaucoup moins. Oui, c'est plus léger. Voilà, c'est plus léger. La fenêtre de parade, elle est deux fois, elle est quatre fois plus grosse que celle de Sekiro. Et à l'inverse, même si la fenêtre de parade, elle est énorme, le rythme du jeu est aussi beaucoup plus télégraphé. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, moi, c'est un truc qui m'avait surpris dans les boss, et particulièrement quand on combat les inquisitrices, c'est que ben, les moments où on peut attaquer, ils sont vraiment indiqués. C'est séquencé, quoi. C'est très séquencé. Il y a des moments où le boss s'énerve, donc ben, il faut défendre, il faut parer, il faut faire des roulades, il faut vraiment tout esquiver. Ensuite, il faut contrer. Et donc, on est vraiment dans cette logique d'avoir une fenêtre qui est tellement précise qu'on perd un petit peu cette espèce de liberté, cette espèce de... Bah de prendre l'ascendant sur le combat, d'être c'est toi qui décide, qui décide comment le combat va se dérouler. Tu peux un peu intimer le rythme. Tu vois, Sekiro, c'est ça qui est génial, c'est que des fois, tu vas subir le rythme, mais dès que tu commences à gérer un peu le truc, c'est l'inverse, c'est toi qui vas l'imposer. Ouais. Et ça, ce sentiment-là, il est incroyable. Évidemment, c'est le cœur de l'expérience de From Software. Là, c'était pas leur objectif non plus de l'égaler avec Jedi Fallen Order, mais ils s'en rapprochent malgré tout. Ils arrivent à proposer quelque chose de similaire dans l'idée. Quoi. Et juste pour préciser sur Sekiro, il y a un autre équilibre quand même à trouver, c'est que quand tu fais des dégâts à l'adversaire, sa barre de posture se recharge beaucoup moins vite, et en fait faut faire suffisamment de dégâts pour ensuite pouvoir entamer sa barre de posture. Donc au début, voilà, il y a ce côté, il faut que j'arrive à esquiver, parce qu'il va y avoir des fenêtres où tu peux leur faire des dégâts que si tu esquives au bon moment et que tu tapes au bon moment. Et voilà, c'est un équilibre intéressant, tu danses sur ses deux pieds que tu ne retrouves pas vraiment dans Sekiro. C'est à la fois plus complexe et à la fois plus profond. Enfin, oui, bien sûr. On va pas faire semblant hein, des gens qui animent cette émission. Voilà. Sekiro, on est à un autre niveau dans le design. C'est pas vraiment forcément pour taper sur Jedi Fallen Order, c'est pour comparer les deux, les différences. On n'est pas du tout dans les mêmes ambitions en fait de système, de complexité et de profondeur, d'implication qu'ils peuvent avoir dans le combat. Et puis voilà, Jedi, ça dure 15 heures. Sekiro, t'en as pour une petite trentaine d'heures, on va dire, pour un joueur lambda, pas évidemment, pas pour les maîtres qui sont autour de notre table. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve ça intéressant comme approche, parce que c'est vrai que souvent on dit, les Souls-like, tu vois, ça a été vraiment un truc des 10 dernières années où on voyait beaucoup de jeux. Là, je trouve qu'avec Fallen Order, ils ont réussi, mine de rien, à reprendre un petit peu ce que c'est l'expérience d'un Souls-like et d'en proposer une version plus accessible, plus grand public. Il y a toujours ces fameux débats sur les modes de difficulté, etc. Bah, je trouve que si vous n'avez jamais joué à un Souls et que ça vous fait peur, jouer à Jedi Fallen Order en mode normal, c'est une bonne porte d'entrée. Vraiment, ça vous permet de vous dire, le niveau de difficulté, si vous y arrivez, les Souls, c'est juste la petite étape au-dessus. Hein. C'est pas complètement impossible. Ah, donc, pour moi, j'aime bien cette idée de se dire, c'est un petit jeu qu'on peut conseiller aux gens qui veulent découvrir un peu ce gameplay-là. Après, personnellement, je considère quand même qu'il n'arrive pas à tutoyer non. Le niveau émotionnel émotionnel en fait que va pouvoir générer les jeux From Software. Et en fait, pour moi, c'est vrai pour toutes ces références. C'est-à-dire qu'à la fois, quand tu prends Uncharted, il n'arrive pas à arriver à ce niveau. Tu sais, tu parlais de rythme, etc. Mmh. Voilà, tu joues à un jeu Naughty Dog, tu rentres dans la... Ouais. Tu montes, tu sais, dans le petit train et c'est bon. On y va jusqu'au bout. C'est super bien rythmé. Il y a une implication émotionnelle aussi. Et le petit train, tu le sens moins. Parce que dans Jedi, il y a vraiment des moments où je me disais, oui, je suis dans un train fantôme. Quoi. Ouais. Et à l'inverse, des fois, le rythme est complètement pété. Enfin, du coup, tu en parlais, mais à partir du moment où tu arrives dans une salle, tu vois des boules, tu vois des trous, il va falloir les pousser avec la force. Enfin, t'es là. Ouais, ça m'a saoulé. C'est un gros soupir du genre, oui, j'ai déjà fait ça dans. Ouais. Ça fait 20 ans que je fais ça dans des jeux vidéo. Donc, en fait, c'est pas que c'est pas bien, parce qu'il y a des tonnes de jeux où on fait ça. Je veux dire, on avait parlé de Inside, et Inside, on pousse des objets pour monter dessus, par exemple. Mais il y a une manière, en fait, de déguiser ça, de masquer ça, de l'intégrer à l'univers pour rendre ça un peu plus cohérent. Et c'est vrai que là, le jeu, des fois, il s'embarrasse pas. C'est vraiment, il y a un côté. Très explicite, ouais. Jeu vidéo, voilà, on y est. Très fonctionnel. Bon, bah, la barre de, le truc de pression, la boule à pousser, l'endroit pour mettre le cube, avec le pouvoir de la force. Allez, c'est parti. Et sinon, on a dit, c'était un peu un sous Dark Souls, mais pas si, de façon pas si méchante que ça. Un peu un sous Uncharted. Et niveau Metroid aussi, c'est que le jeu il te propose des allers-retours vers le vaisseau de l'enfer. C'est pas très plaisant de reparcourir la map. Je pense qu'ils auraient aimé qu'en fait ça nous donne envie d'explorer, parce qu'il y a des choses cachées, voilà, des loot box et tout, on va peut-être en reparler plus tard, mais des trucs cosmétiques, mais aussi des steams, hein, du soin, on peut en trouver plus, et il y a parfois des mini-boss qui cachent ça. Mais moi j'ai trouvé que voilà, le jeu m'a pas donné plus envie que ça d'explorer, surtout quand je faisais un aller-retour. En fait, t'as envie que l'histoire progresse, que t'as juste ce côté, je vais au vaisseau pour passer à l'étape prochaine. Et j'ai juste envie d'aller au vaisseau. Pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on sent parfaitement la friction entre Uncharted qui va se permettre de faire des cuts et avancer, etc. Et un Metroid ou un Dark Souls où tu ne fais pas de cut en fait, où on interdit ça parce que c'est toi qui vas jusqu'au chemin, c'est ça, il n'y a pas d'ellipse. Donc, et en fait, là, voilà, tu te dis dans ces moments-là, t'aimerais qu'il y ait une ellipse, t'aimerais te dire, bah c'est bon, j'ai battu le boss, je vais pas me retaper tout le chemin, envoyez-moi au vaisseau mais et on repart, que, tu vois. Vraiment, en termes de rythme, c'est tellement dommage parce qu'on a un début de jeu qui est vraiment très cool. Enfin, pour l'avoir refait du coup il y a quelques semaines, tu dis, ah oui, c'est vrai que la séquence d'intro, elle est bien maîtrisée, elle est bien gérée, etc. T'arrives sur Bogano, la planète en plus, elle est pas très joli, tu vois, parce que du coup toi tu vois tout en surface mais tout se passe en contrebas, c'est assez étrange comme choix esthétique. Et une fois que t'arrives enfin au temple, il te dit bon bah maintenant faut revenir. Ah bon, il y a un demi-boss qui t'attend en retour, mais oui, c'est ça, là, il y a un petit truc. Mais bon, t'as débloqué des pouvoirs, donc si jamais t'as envie de te balader, tu peux, mais c'est juste que les récompenses sont pas suffisamment sexy, en tout cas, elles te donnent pas suffisamment envie, parce qu'on va débloquer bon, les ponchos, on va débloquer éventuellement les pommeaux pour changer le sabre laser, et j'ai peur que ça parle peut-être à des fans. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui ont dû kiffer ce truc-là, mais en termes de récompenses de jeux vidéo, bon, des fois, il y a un petit boss optionnel et du coup, tu vas avoir un steam supplémentaire, mais c'est pas un truc qui te motive réellement à découvrir quelque chose. Ça manque peut-être vraiment, tu vois, de plot annexe avec peut-être des personnages, des trucs. T'as deux rythmes opposés, en fait. Les Metroid et les Souls, c'est un rythme que c'est toi qui dictes le rythme du jeu. Et à l'inverse, les Uncharted, c'est Naughty Dog qui dicte le rythme du jeu. Et en fait, forcément, il y a des moments où t'es un peu dans l'entre-deux et le jeu est, voilà, vraiment ce grand écart, en fait, entre deux propositions. Je trouve qu'il arrive quand même à plus ou moins tenir le grand écart, mais il y a des fois où il y a des petits craquements, on va dire, dans le pantalon. Ça tire un peu. Et, c'est un peu compliqué. Ouais. Ça donne lieu quand même à un moment cool où à un moment tu dois retourner au vaisseau, là tu te fais capturer et tu finis en prison. C'est une bonne surprise. Ça, c'est cool. Ça, c'était quand même un bon moment. Mais moi, je soufflais à fond avant parce que tu tapes quand même la moitié du chemin, et rien que la moitié du chemin, j'étais putain, mais il déconne, vas-y, faut que j'aille au vaisseau. Le système de sauvegarde à base de feu de camp n'est pas forcément le plus optimal parce qu'il y a des moments où il y a des séquences, dit bon ben j'aurais pas voulu me retaper tout ça c'était pas forcément nécessaire. Et d'ailleurs on l'avait dit, on réfléchissait, c'est parfois quand tu tombes en fait là tu réapparais juste avant que t'es tombé, alors que dans un saut tu meurs, tu tombes, c'est fini, t'es mort, tu vois. Donc il y a quand même des moments où ils font des choix comme ça. On parlait aussi de la séquence de la chauve-souris là où il faut tomber sur son dos. Alors Maxime et moi on s'est planté mais plein de fois, c'est assez marrant. Ça suffit en fait à casser cette espèce de, là on est vraiment dans un moment spectaculaire et en fait c'est un moment où tu devrais pas mourir parce qu'on devrait juste faire, allez vas-y, on s'enjaille et après on reviendra au jeu classique. Et ça justement ils n'y arrivent pas tout à fait, et c'est là encore une fois que tu sens le on sait pas, on veut être un peu deux jeux à la fois. Bah, et... C'est là que tu te dis, en fait, ouais, Naughty Dog, c'est pas un acquis. Moi, j'avais en vrai un petit peu tendance à le penser en disant, oui, bon, des scènes d'action bien faites et tout. Oui, Uncharted, c'est un peu le côté grand public, un peu tout le monde peut y jouer, voilà, un peu cinéma machin. Et c'est là que tu te rends compte que non, en fait, c'est pas si simple que ça. Non, c'est ça, en fait, c'est d'une complexité de parvenir à faire d'avoir un résultat aussi fluide. Ouais, ouais. C'est ça, justement, qui est complexe. Quoi. Mmh. On l'a dit, je sais pas combien de fois dans l'émission, ouais, c'est, tu vois, le jeu vidéo, il y a beaucoup de ficelles, mais il faut qu'on les masque. Et ça, Uncharted, là-dessus, ben, Naughty Dog en particulier, ouais, et tout un tas d'autres studios, on veut pas faire juste les single out par rapport aux autres, mais c'est vrai que quand il s'agit de nous mettre dans le roller coaster et de nous faire jouer, de nous donner l'impression d'avoir du danger, mais en fait on va toujours y arriver facilement, ils sont très très forts. La scène de Madagascar, elle est quand même incroyable, tu vois, c'est bien 15 minutes, je pense, de gameplay entre t'es en voiture, tu te fais courser, puis après t'as le camion, oui, la fameuse poursuite, t'es sur la moto, tu te refais courser par le machin. Ouais, je pense c'est assez long, tu vois, mais ouais, c'est une bonne dizaine de minutes, hein, ouais, je pense, c'est vraiment une séquence incroyable, parce que c'est des trucs que tu vois pas non plus, et non, pas grand monde, en même les temps, moyens. C'est 20 gugus qui ont bossé pendant un an et demi dessus, tu vois. C'est la moitié du studio qui a bossé sur ça, hein, sur cette séquence. C'est énorme. Ah oui, c'est énormément de travail, mais on s'en rend pas forcément compte parce que ça a duré que 15 minutes. C'est assez linéaire, mais on mesure pas, en fait. Je trouve que c'est bien. En fait, ça fait du bien parfois de jouer à des sous-trucs, entre guillemets, des choses qui sont sans produire. Tu te dis, ah ouais, en fait, quand même, il y a un petit gap quand même qu'il faut passer. Je trouve que c'est un bon moyen de se rendre compte à quel point la maîtrise et l'excellence de ces jeux-là, elle est pas volée, et on comprend du coup tous les efforts qu'ils ont fait derrière. Alors évidemment, ça implique tout un tas de sacrifices, oui, etc. Oui, oui, oui, ouais. On va pas revenir là-dessus, mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue purement technique, il y a effectivement une différence entre le Padawan et le Maître Jedi. Oui. Ah, j'ai réussi à la caler. Tout à fait. Alors, malgré tout ça, le jeu arrive quand même à trouver un petit peu son identité, déjà à travers ce mélange, parce que ce mélange, il est assez inédit, on va pas se mentir. Oui, c'est ça qui est rigolo. Parce que, ouais, encore une fois, si t'es dans un Metroid, on est dans l'anti-spectaculaire, on respecte les règles, donc on va pas faire des moments un peu fifou. Et à l'inverse, il y a quand même des moments foufou dedans, donc voilà, il trouve son identité. Et puis, il y a quand même la force. Mmh. Oui, on va pouvoir débloquer, évidemment, en arbre de compétences, ça, on est en terrain connu. Il y en a trois, c'est un jeu vidéo. Voilà, les trois branches, là, quand même, il faut respecter. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi s'en servir en combat. Et alors, on est un peu partagé dessus, parce que d'un côté, le jeu nous oblige assez peu vraiment à beaucoup l'exploiter, même dans les modes les plus difficiles. Hein, toi, Max, t'as joué en ouais, en niveau 3 sur 4 de mémoire. Ouais. Et après, moi, je trouve que je sais pas si c'est moi ou si c'est niveau de difficulté, je trouve que la jauge de force est quand même assez limitée. Tu peux pas non plus faire n'importe quoi avec. Ouais. Ouais, tu peux pas trop jouer avec ce qu'on l'a pas dit. C'est vrai que t'as une petite jauge de pouvoir magique. Mmh. C'est vraiment des petits segments qui se remplissent au fur et à mesure. T'es vite limité. C'est-à-dire que ces pouvoirs très cool que tu peux utiliser, il faut y faire gaffe, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ouais, ils arrivent pas à donner vraiment ce sentiment de toute puissance où tu pousses, t'attires vers toi, et un peu à la contrôle. On en avait parlé. Parce qu'il y avait ce truc d'attraper les objets qui était hyper jouissif, de balancer les canapés dans la tronche des gens. Et c'est vrai qu'il y avait Tu n'as pas, avec la force, prendre un objet, le jeter sur les ennemis. Ça n'existe pas. Tu vois, alors vite fait, un ersatz de ça où c'est par exemple les lance-roquettes. Là, tu peux faire le force de pousser et leur envoyer leur roquette dans la gueule. C'est plutôt rigolo. Mais déjà, le timing, il est pas évident à maîtriser, le timing, je trouve, de pousser. Il se fait vraiment en deux temps. Bref, faut maîtriser ça. Mais comme dit, ça claque pas mal de force. T'as pas tant d'occasions que ça. Alors que contrôle, c'est vraiment la barre s'enchaîne tout seul. Tout le temps, tu prends les objets et c'est trop bien. Ça fait vraiment partie de ta panoplie de base. Et à l'époque, Star Wars Unleashed, t'avais justement beaucoup joué avec ça parce qu'il y avait des tonnes d'objets dans le décor. Alors c'était pas aussi bien foutu que contrôle, évidemment, mais tu pouvais prendre un tas de trucs et les balancer à la tête des gens. T'avais vraiment ce délire de te sentir tout puissant. Et là, Jedi Fallen Order, on a peut-être pas été, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir rempli ma jauge de ça y est, je suis un Jedi, tu vois. T'as les moments, et c'est un équipe compliqué parce que tu peux attirer les ennemis à toi et les plus faibles, tu peux les one-shot. Parce que l'effort, parfois, par exemple, celui à la lance, je me souviens, ou celui au bâton, ils se retiennent partout, et ça c'était stylé, la petite animation. En termes de polish, les animations et tout sont quand même très bien. C'est quand même un jeu qui est assez impressionnant d'un point de vue technique, c'est l'occasion de le caler. Mais du coup, les petits ennemis que tu prends, que tu tues, bon, c'est un peu gratos aussi, tu vois, il y a un côté, c'est rigolo, c'est cool, c'est très cool de les pousser dans le vide aussi. Ça c'est cool. Voilà, tu peux pas non plus en abuser, ou une fois que tu l'as fait 2, 3, 4 fois, bon, il y a parfois des moments où t'aurais aimé que la force t'aide à te battre de façon un peu plus stylée. T'as des moments stratégiques quand même où notamment les boss, tu peux interrompre certaines de leurs attaques avec la force. Donc là, tu commences à incorporer un peu de stratégie. Mais comme dit, je trouve que l'équilibre, il est pas. Il y a un côté un peu difficile. Ouais. C'est comme ce double sabre laser aussi qu'on n'est pas très encouragé à utiliser. Moi, je l'utilisais par fantaisie parce que j'étais content de faire. Mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal de le faire. Voilà, déjà, j'étais content. d'ailleurs sabre laser qu'on peut trouver assez tôt dans l'aventure. En fait, si on explore Datomir, la planète rouge, la planète rouge, donc assez tôt, on peut le trouver au bout de 5 heures de jeu. Alors qu'en fait, si on le joue normalement, si on n'explore pas Datomir, qu'on suit vraiment la quête principale, on le trouvera au bout d'une dizaine d'heures. Donc, il y a quand même des petits bonus un petit peu, il y a ce côté un petit peu exploration. Tu peux devancer un petit peu le jeu là-dessus, ce qui est toujours sympa. Et puis pour terminer vraiment sur cette identité, tu sais, Max, t'en as parlé sur le côté, voilà, j'ai envie de découvrir des paysages. Ça, par contre, le jeu, je trouve qu'il y a quand même des moments où c'est quand même vraiment chouetteau, surtout en extérieur. Quand on est là sur la planète de glace avec les. Ces Zéphos, du coup, sur la planète. Il y a des moments où on a des grands panoramas avec des grands temples comme ça derrière. Il y a vraiment des moments qui sont quand même très, très jolis, qui font le truc Star Wars. J'ai trouvé ça. Ouais, ça marche. J'ai pas trouvé d'endroit moche ou quoi, mais j'ai pas le souvenir. Honnêtement, il y a pas vraiment un environnement qui m'a marqué plus que ça personnellement. Non, bah bon, en tant que grand chevalier maître photo. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que je me suis éclaté parce que pour le coup les paysages, les éclairages, tu vois, c'est un truc tout con, mais moi j'aimais bien l'idée d'utiliser mon sable laser pour éclairer les intérieurs. Ça c'est vraiment la petite bonne idée. Ça fait partie des petits trucs qui sont très cool. Le fait que BD1 aussi, ça soit une espèce d'inventaire portatif, tu vois, c'est tout con, mais c'est malin, ça marche bien. Enfin, il y a des bonnes petites idées, tu vois, c'est juste que on sent qu'il leur manque encore. En même temps, c'est leur premier jeu du style. Je pense que c'est un peu ça la conclusion du truc, tu vois, c'est que comme c'est leur premier jeu, ils ont quand même réussi à trouver une espèce d'équilibre. On sent que c'est bancal et que il aurait pas fallu grand-chose pour que tout se casse la gueule, mais il va falloir confirmer ça plus tard, quoi. Bon, on pourra parler un petit peu de nos espoirs, mais juste avant ça, alors le petit point quand même. Pour finir sur un petit point, Maxime. On avait un jingle entre nous. Tu sais, faire des caisses pour une demi-phrase que je vais sortir. Attention. Mais on s'en fiche, Maxime. C'est pour le lore. C'est rigolo de renvoyer les tirs de blaster. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est quand même dans le côté. Mais c'est ça le truc, tu vois, c'est que le fantasme Jedi, je trouve qu'il est vachement délivré. C'est-à-dire que ce que tu vois dans les films de faire de pareil comme ça, ça marche bien. Le fait de pousser les ennemis, même si tu le fais 2-3 fois, En plus, ils ont des phrases rigolotes, les Stormtroopers, du genre « Ah, attention, c'est rigolo. Ah, non, j'arriverai pas. Bon, allez, moi, j'y vais, je m'y mets, tu vois. » Enfin, ils se motivent comme ça et puis ils se font bolosser. Et parfois, quand on a tué tout le monde, il n'en reste plus qu'un et il fait genre « Bon, allez. » C'est bien, ils ont bien été dressés par l'Empire. Sinon, d'ailleurs, ils parlent, mais il y a un truc aussi où, on l'a dit un peu, le côté « Bon, le jeu, il se veut très grand public, hein, très divertissant. » Et du coup, c'est un jeu qui est quand même très gentil, qui aide beaucoup le joueur. Et ça passe notamment par les monologues plutôt de Cal, qui dit quand même tout ce qu'il y a à faire. Quand tu dois t'enfuir, il te dit qu'il faut s'enfuir. Quand faut passer par là, il te dit qu'il faut passer par là. Enfin voilà, il y a quand même. Ouais, quand il y a des passages secrets, il y a peut-être quelque chose par là. Mais moi, je jouais donc avec le gosse à côté, et même lui, ça l'a saoulé. Tu vois, même lui, il était genre, mais il dit tout le temps ce qu'il y a et tout. Tu vois, parce que c'est un élitiste pur jus, tu vois, vraiment dégueulasse, tu vois. Donc vraiment, il a rien demandé, le petit, il s'en prend plein la tronche. Non, mais parce que je l'ai éduqué comme ça, tout simplement. Parce que moi, je fais le mec sympa comme ça, les podcasts. Non, mais on sait. Vous savez qu'en vrai, je suis un pourri. Il va falloir lui bloquer Twitter quand ça arrivera, le téléphone. Je trouve le fantasme Jedi, je trouve qu'il marche, il marche bien. Bah, il marche pour moi, il marche à certains petits moments, tu vois, comme dit, c'est vraiment quand tu pousses des gens dans le vide, quand tu fais blaster, mais en dehors de ça, bon, pas plus que ça, je trouve. Moi, globalement, si je dois donner mon opinion sur le jeu, mais je pense que beaucoup de gens la rejoignent, on l'a vu quand même sur le Discord, les gens demandaient quand même pourquoi vous parlez de ce jeu, mais c'est vrai que j'ai pas passé un mauvais moment. Mais voilà, c'est vraiment ce côté divertissant, juste tu passes du temps avec le jeu. C'est pas un jeu qui m'a marqué, j'ai pas de grandes scènes que je trouve incroyables ou quoi, mais comme dit, il y a quand même plein de petits trucs intéressants. Le mélange, il est intéressant, hein. Quand tu joues 2-3 heures, tu fais ah oui, c'est Uncharted mais c'est Dark Souls, machin, et c'est sur la longueur, tu dis bon, en fait ça se rane un petit peu, il y a quand même des défauts, mais ouais, c'est assez, comme tu le disais, la suite, je suis quand même plutôt curieux de ce qu'ils vont faire. Moi, je pense que plus de Uncharted, plus de spectaculaire, ça lui ferait beaucoup de bien. Mm-hmm. Après, voilà, on verra. C'est peut-être une gestion du rythme un peu plus. C'est vraiment ça pour moi, en fait, ce qui manque dans le jeu, c'est plus le rythme. Tu vois, parce qu'à la rigueur, essayer de jouer avec différents genres, etc., pourquoi pas. Mais par contre, voilà, il faut garder le rythme, il faut garder cette espèce de d'injonction à continuer d'avancer, parce que d'un coup, tu nous lâches et tu nous dis va chercher des objets un peu osef dans le décor. Tu peux le faire, mais c'est. Les loot box, il y en a qu'il faut. Tu sais, c'est que le robot qui peut les ouvrir. Et après, c'est à toi de les ouvrir. Ça dure 10 à 15 secondes pour ouvrir une putain de loot box cosmétique. Je trouve ça interminable. Voilà. Ouais, en plus, enfin, la récompense, comme on le disait, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, la récompense, elle vaut pas vraiment la chandelle, quoi. Donc, ça mérite pas forcément de faire des gros, tu vois, des gros détours de ton chemin principal. Ce qui est assez drôle, je trouve, tu vois, qu'on se dise, bah, on aurait aimé un truc plus rythmé. Parce que justement, moi, si en temps normal, tu vois, j'adore, moi, ces jeux qui me laissent complètement libre et tout. Pareil. Mais là, je me dis, ben, pour un truc comme Star Wars, pour vraiment me faire ressentir cette espèce de, tu sais, de frisson, de puissance, je pense qu'il faut, tu vois, insuffler au jeu un peu plus justement de ce rythme, de cette maîtrise qu'on a dans les Uncharted, dans les God of War. Enfin, Vois, je veux dire, Stig, il a bossé sur l'intro de God of War 3, qui est encore à mes yeux aujourd'hui une des intros les plus ouf qu'on ait eu en termes d'épique. Tu t'es dit, bon, ben, on va être sur des titans qui montent une montagne, qui se tabassent. Voilà, bon, ça en impose. Là, sorti de la scène d'intro, ben, le jeu, j'ai trouvé qu'il s'installe dans ses petites charentaises et malheureusement, il n'arrive pas à aller au bout du truc, quoi. Mais comme dit, je pense que on a commencé déjà un peu à l'annoncer, mais c'est vraiment le premier jeu du studio dans cette typologie. C'est vraiment une équipe qui a été montée de toutes pièces pour faire ce jeu-là. En plus, avec la contrainte, l'œil de Sauron, annonce pas Sauron, de Dark Vador comme ça, qui surveille chaque fait et geste, je trouve quand même que, tu vois, quand tu regardes, tu dis c'est un projet déjà qui a pu aboutir. Vraisemblablement, il y a eu des échecs avant, donc c'était pas si simple. Et en plus, bon, bah, y a quand même un équilibre qui se trouve. Voilà, c'est en fait, moi, je trouve que ça augure vraiment du bon éventuellement pour la suite, et peut-être que c'est cette suite-là, à l'instar de Uncharted 2 par rapport à Uncharted, qui pourrait être vraiment le jeu Star Wars qui nous ferait vraiment du bien. Mais bon, vous savez que l'optimisme dans le jeu vidéo, c'est jamais trop le bon plan, donc voilà. Non, mais par contre, vraiment, un truc moi que j'ai trouvé fascinant avec ce jeu et le fait qu'on en parle, c'est que ben, ça permet de relativiser la qualité des jeux. C'est-à-dire que quand vous avez des jeux qui vraiment vous mettent une claque énorme, mais vous envoie les yeux au fond de la rétine, il faut bien vous dire que c'est pas si évident. Parce que quand on arrive avec des jeux qui sont entre guillemets juste bien, tu vois, comme Fallen Order, c'est pas c'est un mauvais ça, jeu, ouais, c'est ça, juste bien. C'est juste qu'il est pas excellent et il a pas un truc mémorable. Et ben c'est déjà dur, tu vois, d'en arriver là. C'est déjà très compliqué, surtout avec toutes les contraintes liées à l'utilisation de la licence, sûrement la pression des éditeurs, parce qu'on sait que les gens de chez Electronic Arts, évidemment, que leur premier objectif, c'est le fun, hein, c'est le plaisir, c'est votre plaisir, enfin en tout cas, c'est votre argent. Donc tu te doutes que devait y avoir tellement de choses qui auraient pu très mal se passer, et au final le jeu il tourne bien. On l'a dit, techniquement il est propre, moi j'ai quasiment pas eu de bug. La version PS5 pour le coup elle est vraiment cool, là les petits rajouts qu'ils ont fait en termes de fluidité et tout, ça fait super plaisir. Donc tu te dis, finalement, juste arriver à ce résultat là ça a demandé des années, plusieurs échecs d'autres studios, la création d'un nouveau studio, enfin là où d'autres se sont cassés les dents, eux ils ont réussi à le faire. Le succès commercial est au rendez-vous, le métacritique est propre, vraiment je pense que justement ils peuvent y aller dans une ça leur donne sérénité, peut-être une bonne confiance. Exactement. Pour se dire, voilà, on a réussi et maintenant on va pouvoir peut-être un peu ouvrir un peu plus notre boîte à malice et montrer ce qu'on a dans le bide. Et il a brisé la malédiction du coup des jeux Star Wars pour le plus grand plaisir, parce que quand même, on disait Star Wars c'est pas rien, il y a quand même beaucoup de fans qui sont là pour ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent à part du Battlefront ou peut-être les Rogue Squadron ou quoi, et là il y a eu l'annonce, il y a eu même plusieurs annonces Ça va continuer, puisque alors on peut le dire maintenant, EA n'a plus l'exclusivité sur les jeux Star Wars, et donc vraiment dans les jeux solo il y a d'abord nos amis d'Ubisoft, évidemment, la fierté nationale, les Bretons. Et là, yes, this is Ivimo, I am very pleased to work with Star Wars Games. En plus, il y a des gens d'Ubisoft qui nous écoutent, sûr. Donc on est désolé. Je pense qu'ils la font jamais. Si, ils doivent se moquer ça aussi en interne. Et là quand on leur a dit open world, et là open worlds avec plusieurs planètes, et ils ont fait incroyable. Donc évidemment, on imagine que le Star Wars va vraiment être passé à la moulinette. Assassin's Creed, vous prenez des sabres laser, tu sais. Sabre laser caché dans la manche, exactement, comme ça, tu sais, qui vire le doigt à chaque fois et tout. Tu sais, c'est la chanson. J'ai mon stylo, j'ai mon ananas, tu sais, voilà. Pineapple pen. Et voilà, jeu Star Wars Ubisoft. Bon, on rigole, mais il y a quand même de grandes chances que ça soit cette matrice-là. Hein. Et ce sera pas inintéressant en plus. Justement, c'est ça, moi je me dis que si, tu vois, avec ce qu'ils ont fait récemment sur les principes de mobilité des Assassin's Creed ou même du petit jeu là, Gods and Monsters, j'ai oublié son nom, comment il s'est rechangé entre temps. Phoenix Wright, là, machin, Phoenix Rising. Je me dis, avec cette mobilité qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que moi, les Jedi, un des trucs qu'on n'avait pas trop dans Fallen Order, c'est ce côté double saut, machin. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, moi, je me souviens bien de voir Qui-Gon Jinn faire des énormes sauts ou Obi-Wan sauter partout, ou même Yoda, tu sais, quand il a son fameux combat improbable. Hein. Et j'aimerais bien avoir ce jeu où on a une fluidité dans les mouvements qui est super puissante, parce que j'ai envie de ressentir ce délire-là. Donc, je me dis pourquoi pas. On sait qu'il y a d'autres jeux chez EA, parce qu'ils n'ont pas non plus complètement arrêté leur partenariat. Hein. Toujours Battlefront, voilà. Il y aura Fallen Order 2, oui, bah ça, oui, ça, on en a parlé de toute façon, ça c'est sûr. Bah, ce sera peut-être pas, justement, ce sera Star Wars Jedi. Autre chose, tu vois. Voilà, ouais. Empire, New machin, New Empire. Âme sombre. Âme sombre. Et puis, ténébreuse. Il y a un autre studio, et encore une fois, Cocorico, qui sera sur Star Wars. Eh bien, c'est Quantic Dream, puisque bon, il y a eu un leak, c'était il y a quelques semaines, où ça a été leaké. Voilà, donc Quantic Dream qui bosse sur un jeu Star Wars. Cette fois, ce sera X pour être côté lumineux, rond pour être côté obscur. Jason, voilà. Jason, Luke. Voilà, donc. En vrai, ça vous des possibilités qu'on a dans l'univers de Star Wars qu'on n'a pas vu avec Jedi Fallen Order, c'est voir des NPC, une vie, tu vois, des gens qui vivent ensemble, quelqu'un qui se balade dans l'univers Star Wars, dans une ville, tu vois, open world Ubisoft. Bon, c'est aussi des opportunités. Moi, je trouvais ça intéressant, justement, le côté narratif, parce que c'est des trucs qu'on voit pas trop, et c'était un peu le. Alors, on pense action directe, en fait. On pense tout de suite action. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, le côté histoire, tu vois, moi, c'est ce que j'attendais d'un Mass Effect, par exemple. C'est vraiment ce délire de on se balade dans des autres planètes, on parle avec des aliens, il y a un côté grosse narration. Je me dis pourquoi pas, si Star Wars ils assument l'idée de on va développer l'univers en jeu vidéo, je pense qu'il y a des choses intéressantes. On va être pour une fois prudemment optimiste. Oui. Un truc que je me dis, c'est que Star Wars 13-13, on devait incarner donc un mercenaire, un tueur à gages aussi, un bounty hunter. Et en fait, je pense qu'il y avait peut-être un côté ras-le-bol d'incarner des Jedi, tu vois, où ils disaient, on va tester quelque chose un peu différent. Et d'ailleurs, Ragtag, c'était aussi, je crois, un petit peu la philosophie. Sauf que comme il n'y a quasiment aucun jeu qui est sorti en disant, à part les petits exceptions qu'on a cités, on s'est redit, en fait, un Jedi, maintenant, ce serait cool. Maintenant, c'est quand même ce qu'on veut. Voilà. Mais maintenant, avec Quantic Dream, après, j'imagine Ubisoft sera peut-être un Jedi, mais on verra dans quelques années, peut-être qu'on aura encore marre, tu vois, un peu des Jedi ou des trucs classiques, et qu'on aura des jeux qui vont tester des petits trucs différents qu'on n'a pas pu faire dans les années 2010, quoi. Donc voilà, en tout cas, on va attendre de voir ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Fallen Order, ça, comme tu l'as dit très justement, ça a brisé cette malédiction, et c'est peut-être le premier épisode d'une nouvelle ère, un nouvel espoir pour la série Star Wars. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Tu vois, en y pensant là, pendant qu'on en discute, je me dis Quantic Dream avec, tu sais, le fameux pouvoir de Obi-Wan quand il dit, tu sais, il va voir les mecs, il leur dit non, ça s'est pas passé comme ça. Ça serait marrant dans un jeu de narration, un peu d'enquête, Witcher pourrais 3, à la Witcher 3, Non, mais voilà, il y a des petites idées de gameplay, il y a des petits trucs que tu dis. C'est un petit peu game designer, toi, sur un petit peu, un petit peu. Il y a des idées comme ça qui me semblent intéressantes et je suis curieux de voir ce que ça pourra donner. C'est clair. Très bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour sur ce jeu. Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi Poudlard. Et quand même le non-respect que nous avons eu pour Star Wars. Mais on est comme ça, vous savez, nous, on respecte. D'ailleurs, on n'avait pas fait notre disclaimer, on y avait pensé. Pour tout vous dire, en transparence 300%, on avait pensé à un moment donné faire un disclaimer en disant on n'est pas des vrais gros fans de Star Wars, on aime bien sans plus. Et c'est vrai que je sais que parmi vous il y en a peut-être des gens qui sont déjà en train de se rouler en boule à cause des trucs qu'on a dit. Ils sont déjà sur le Discord, on ne pensait pas à mal, c'est juste que c'est moins notre cam. Bon, ça va, en vrai je pense qu'on n'a pas on n'a pas été disrespect, ça va, on peut rigoler aussi, quand même, c'est juste divertissement, on retombe, il y a des choses plus graves dans la vie. Bon, très bien, alors le Patreon. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour le prochain épisode. Le prochain épisode en amoureux. Ce sera le thème. En amoureux. Le prochain épisode, on se retrouve donc dans 2 semaines. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez également aller faire un tour chez Third Edition. Eh bien, si ça vous intéresse, ce bouquin sur la dernière trilogie Star Wars. Et puis, d'autres choses, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On vous dit rendez-vous sur le Discord, soyez polis. ne tombez pas dans le côté obscur. Ça, c'est important. Le côté obscur des calembours. ça, sur le Discord, c'est foutu. C'est mort. C'est foutu. Bien bas. Voilà, on salue, évidemment, notre équipe de Usual Suspect. Notre team, Le chat général, on vous connaît. Venez pour le Discord. Pourquoi ? Parce qu'on annonce, du coup, les jeux en avance. l'ambiance, il y a tout ce côté club de lecture, hein, vous le savez maintenant, je pense, parce qu'on est bientôt 6000, je crois, sur le, sur le serveur. C'est un gros chiffre. Voilà, on annonce 4 jeux en avance, donc ça vous laisse le temps de les préparer, d'en discuter entre vous, et comme ça, quand on arrive... Il y a des gens d'ailleurs qui respectent, hein, on sait, c'est Angel qui a fait le... qui a acheté le jeu. Qui est en train de se dépêcher. Voilà, de finir pour pouvoir... Un jour, tu sais, fin du game, on va annoncer un épisode, il va y avoir un pic, comme ça, de gens qui joueront sur Steam, et là, on se dira... Ah, mais il y aura un partenariat avec Steam, tu vois, les FDG Festival. Ouais, fais gaffe, parce qu'avec le pouvoir qu'on a, nous, il faut pas qu'on balance des trucs comme ça. Ah, c'est Gabe qui m'appelle, attends, qu'est-ce qu'il Gaben Half-Life 3 Bon, très bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut. Ciao.